Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Bonjour, c'est Florent. Votre épisode va bientôt commencer, mais je tenais à vous annoncer que nous allons lancer la tournée des avant-premières de Nous les Leroys. Nous les Leroys, c'est mon film, je vous en parle pas mal depuis quelques temps, et ça y est, je peux enfin venir vous présenter le film un peu partout en France. Ce lundi 12 février à midi, ouverture de la billetterie pour la première vague de villes où nous allons présenter le film. Alors je dis première vague parce qu'on va venir dans d'autres villes, hein, si tout va bien, mais pour ça, il faut qu'on remplisse cette première salve de date. Je vais venir vous présenter le film. Il y aura une session questions-réponses à la fin de la séance, mais c'est pas tout. À l'issue de certaines projections, Adrien et moi, on aura le plaisir d'enregistrer un floodcast avec un invité différent dans chaque ville. Ce sera pas à tous les coups, mais on va faire le plus possible. Et si c'est pas le cas, bah, ce sera quand même l'occasion de discuter à la fin du film avec l'équipe. Donc, je serai le 26 février à Dijon en présence d'Adrien et de Simon Astier. Le 4 mars, ce sera à Rennes et à Nantes en présence d'Adrien et de Justine Lepotier. Le 7 mars, ce sera à Lille avec Adrien et Baptiste Le Caplin. Le 15 mars à Lyon avec Adrien et Jérôme Niel. Le 19 mars à Bordeaux avec Adrien et Benjamin Tranier. Et enfin, le 20 mars à Toulouse. Toutes les infos sur mon Instagram ou sur celui du Floodcast. Je vous conseille de vous dépêcher au cas où, mais comme j'ai dit, vous inquiétez pas, c'est prévu de présenter le film dans d'autres villes partout en France, à Paris ou même en Belgique. C'est des trucs qui prennent du temps, mais vous imaginez bien que moi, ma seule envie, c'est de voyager partout pour montrer le film au plus de monde possible. Donc voilà, là c'est les premières dates, il y en aura d'autres, mais faut qu'on remplisse à donf les salles de ciné, c'est le seul moyen de montrer aux autres villes que... Bah, qui nous programme quoi, parce que franchement, on remplit. Le lien pour avoir accès à la billetterie est en description. Le film, il sort partout en France le 10 avril. Je suis désolé de vous avoir pris autant de temps. Maintenant, je vous laisse avec votre épisode. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Ouais, mais oui, mais bonjour, mais bonsoir, mais bienvenue. J'ai mis des mets devant chaque c'est mot. Bien. Ouais, c'est je suis bien. Une nouvelle. Eh, je me réinvente totalement. Bah, tu mets un peu de nuance. C'est ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Adrien Méniel, comment vas-tu? Je suis choqué par ton utilisation des IA, mais sinon ça va. On a un peu parlé hors antenne, ouais, on reviendra dessus. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour faire un Floodcast. Et comme à l'accoutumée, je suis accompagné de deux merveilleux invités. Notre première invitée est podcasteuse. Depuis quelques années, elle présente le podcast Touriste avec Maxime Musca. Elle s'est lancée dans le stand-up récemment et elle joue tout le temps. Si vous êtes à Paris, vous êtes peut-être tombé sur elle. Elle a écrit une BD, elle a réalisé plusieurs documentaires. Récemment, elle a débuté un nouveau podcast qui s'appelle Tchatcheuse, un podcast d'interview où elle raconte des anecdotes, des blagues et des fois des trucs sérieux, même si ça n'a pas encore été partagé par des TikTok de développement personnel avec du piano derrière et un petit râteau qui trace des lignes en bas. On est comme ça, on attend que ça arrive. C'est Marie Debreuil. Ouais! Oh, merci! Salut, vous allez bien? Ça va et toi? Ouais. Ça va et toi? C'est mardi! Je t'adore! Oui, je t'adore. Ah, okay, d'accord. Notre second invité est autant graphiste que meuf qui organise des plateaux au Cartel Comedy Club. Mais si vous suivez la Bonne Auberge avec Adrien, vous la connaissez plutôt sous le nom de Mina, rodeuse de niveau 12, qui a quand même 11 en force, 20 en dextérité, 16 en constitution, 8 en intelligence, 16 en sagesse et 14 en charisme. Et si vous croyez que je comprends le moindre mot de ce que je viens de dire, vous foutez le doigt dans l'œil, c'est Lisa Villard. Bonjour, je t'adore. Moi aussi. Il m'a demandé hier, ça veut dire quoi? C-O-N, C-H-A. J'étais là genre, bon ça je crois que ça veut dire dextérité, force. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Constite. Ouais c'est ça. Ça la c'est constite, vrai. Ouais. Quand on est dans le JDR, on dit constite. On dit pas constitution. Je crois que je suis pas assez cool pour le jeu non, de rôle. Non, hein, oh. Attention. Ça fait plaisir de vous avoir. Merci. Franchement, c'est trop cool. Comme à l'accoutumée, on va faire le jeu du Floodcast. J'ose l'espérer. En décembre 2024, il y aura les Enhanced Games. Les quoi? Enhanced Games. Comme Enhancer, mais... En tout cas, c'est un non, mais games c'est... qui sont cinglés. Ouais. Donc, faut foutre un peu le holà sur la brèche. Non, non, mais c'est ça. Enfin, oui, c'est ça. Enhanced c'est game. Ça. Okay. Et à votre avis, quel en est le principe de ces Enhanced Games? Alors, c'est... Sachant qu'il il n'y a faut pas être... la présence d'Enhancer. C'est des... comme les JO, mais t'as le droit d'être dopé à fond. Putain, très bonne réponse. Oh là là, incroyable, oh, il va très vite aujourd'hui. Ouais, calme-toi, Calmos, les amis. Pardon, j'ai envie de te dire. J'ai pris le mot. J'avais voilà, pas la traduction du mot déjà. Enhance, ça veut dire améliorer. Putain, il est bilingue en plus, mais cet homme a toutes les qualités. Non, mais c'est. J'avais rien. C'est humiliant pour moi de traîner à côté de lui, tu vois, parce qu'il a tout. Hein. Moi, je suis bilingue, je peux tourner en anglais. Si j'ai des potes qui faisaient un film, par exemple, aux States. Ouais, outre-Atlantique. Ouais, par exemple. J'ai déjà tourné en anglais, donc aucun problème. S'il y en a qui nous écoutent. On est dans l'imaginaire. S'il y en a qui nous écoutent qui font ça, why not? Peter Thiel est le cofondateur de PayPal, dites-vous. Bien sûr. Et ben, il s'est financé un méga délire, parce qu'évidemment, c'est un méga délire de riche, ce truc-là. Imaginez bien que c'est pas. Dans un communiqué de presse publié sur le site officiel de l'événement, le président du comité d'organisation a précisé la spécificité. Il s'agira de Jeux Olympiques du 21e siècle. Ah oui, je crois que c'était une autre question. J'étais attentif. Non, pareil, j'étais là. Mais pourquoi ça va super bien? Il est fou. J'osais pas dire. J'ai pas compris le truc. Ce sont donc des jeux sans contrôle antidopage. Donc t'es pas obligé de te doper, mais sache que personne vérifie. Donc tu fais un peu ce que tu veux. Il va y avoir des morts, ça va être drôle. Vraiment quelqu'un qui va avoir une crise cardiaque. Ça fera l'objet d'une autre news. Ouais, c'est ça. Les Enhanced Games, alors eux, ils disent qu'il y a quand même tout un protocole médical. Quand même, tu vois que c'est pas fait complètement à l'arrache. Okay. Il y a des salles de shoot. Ouais, les Enhanced Games vont adopter un protocole de sécurité sophistiqué qui placera la sécurité des athlètes au premier plan, ce qui inclura des contrôles de santé avant et après les compétitions. Accompagner les sportifs et les sportives en leur permettant de se doper jusqu'à l'os en tentant simplement de s'assurer. Jusqu'à l'os, c'est dans l'article. Non, c'est moi, donc j'ai perdu un petit. Doper jusqu'à l'os. Doper jusqu'à. C'est mon roman de gare aussi. Un petit peu. Bref, une drôle de conception du sport et de ses valeurs, une sacrée façon de jouer avec le feu, nous dit l'article. Moi, après, dès lors que tout le monde joue avec les mêmes règles, ça me va quoi. Ouais. Non, mais s'ils peuvent tous se doper, ok. Mais si c'est un truc où t'as pas le droit de te doper, il y a quelqu'un qui se dope, là, je dis bah. Tricheur. Mais de dire oh les valeurs du sport. Si tout le monde joue avec les règles, t'as le droit de te doper autant que tu veux. Moi, ça me va. C'est marrant à la limite. Ma question, c'est est-ce que c'est vraiment plus impressionnant? Parce que par exemple, Usain Bolt. Je pense que oui. Bah tu vois, Usain Bolt, il va très vite. Est-ce que vraiment, si tu dopes Usain Bolt, il va encore plus vite, ce qui n'a aucun sens. Faut essayer. Il traverse l'espace-temps. C'est une expérience à faire, je pense. Ouais, c'est ça. Moi, pour moi, c'est juste rigolo s'il y a des accidents. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Sinon, ça n'a pas vraiment. Ils vont faire des crises cardiaques, c'est sûr. Bah, en fait, Bah, ils vont pas sentir. Mais vous y connaissez hyper bien. En dopage. À chaque flotte-cage. Moi, j'ai du savon dope. Oh, elle nous régale. J'adore. Moi, je suis là pour ça. Moi, j'écoute Team Dope. Je sais pas si ça. C'est quoi ça? C'est un chanteur, non? Qui ça? Non, je regarde en l'air pour pas croiser ton regard. Attends, je suis Marie fou. Marie a débranché son micro. Tu peux rêver de nous. J'ai peur d'avoir inventé. Je suis mort de honte. D'accord que Team Dup, c'est un chanteur, non? Je sais plus où me foutre. Oh non. Oui, Team Dup, auteur, compositeur, interprète et musicien. Mais attends, il a combien d'écoutes sur Spotify? Bah, 12 et Cédric. Attends. Je fais du reach. Si vous écoutez Team Dup, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Attends, pour moi c'est une IA, pardon. Non, mais en fait le truc de ces jeux là, c'est que les gens qui sont pas assez forts pour participer à des jeux classiques, donc dopés, ils vont arriver au niveau de gens qui sont forts dans des jeux traditionnels. C'est ça que quoi. Je trouve assez ennuyeux entre guillemets. Donc en gros ça va être c'est comme regarder les JO normaux quoi. Ouais c'est ça. Puisque c'est ça. Vous êtes les gens qui sont pas assez forts et qui sont dopés donc. En parlant, JO normaux. Normaux. Attention, hein, attention, Hidalgo. C'est validé. C'est anti-dopi. Moi je cancel les woke moi. Mais personne l'a fait encore. Mais c'est ton EP. Tu sais quoi? Je vais sortir de la pièce. C'est mon stand-up. Cancel les woke. Adrien Méniel cancel les woke. Mais si tu te fais enterrer, il y aura une bosse au niveau de la bite. Ah ouais, pour emmerder les bien pensants la dernière fois. Avec le bras qui s'envole. Ouais, oh putain. Écoutez-moi bien. C'est un TikTok avec Patrick Sébastien. Je l'ai maté facilement 200 fois. Et en même temps, j'ai un peu envie de voir ce cercueil. Et en même temps, une bosse au niveau de la bite. Et en même temps, c'est sûr qu'il a une grosse bite. Ah mais oui, parce que sur la vidéo. On voit un sacré paquet. Clairement une couille qui est sur la cuisse. Mais est-ce qu'il peut avoir de très grosses couilles et une petite bite hein. C'est vrai. Mais peut-être la bosse est une bosse ronde et pas pointue. Pour les testis. Je sais pas, moi j'ai l'impression. Mais t'es architecte. Bah, je suis architecte de cercueil. Ouais. C'est vraiment un métier niche. Eh bien, Jeux Olympiques, savez-vous avec quoi seront faits les médailles qu'on donnera aux joueurs? Ouais. Chocolat. Tu sais. Ouais. Mais arrête, arrête d'être aussi intelligent. Non mais je l'ai lu hier, donc je ne vais pas le dire. On va les laisser chercher et puis voilà. Donc du chocolat. Au JO de, Paris. De Paname. Et avec des petits bouts de la Tour Eiffel. Ouais. Oui. Non. C'est ça. Non, fous-toi de ma gueule. Ils vont mettre des petits morceaux de Tour Eiffel dans les médailles. Et oui, ce jeudi 8 février, le comité d'organisation des JO de Paris a dévoilé les médailles que recevront les athlètes cet été. Chaque médaille recevra, chaque médaillé pardon, recevra un morceau de fer d'origine de la Tour Eiffel, placée au cœur de sa médaille. Côté face des médailles, on retrouve cet hexagone de fer provenant de la Tour Eiffel et portant le logo de Paris 2024. Il en émane des rayons façonnés dans le métal de la médaille. Oui, parce qu'il s'allume en même temps que la Tour Eiffel, c'est ça qui est fort. C'est en Australie, le truc, il clignote et tout. Ça, ça c'est fort. Il est minuit à Paname. Et donc il y a un gars qui coupe des petits bouts de Tour Eiffel. Il la râpe. Une grosse râpe à Tour Eiffel. Ils ont inventé ça pour en l'événement. En Italie, tout le monde se l'arrache. Râpe à Tour Eiffel. Cacio e pepe à Tour Eiffel. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est qu'il y a souvent des travaux avec la Tour Eiffel et donc ils enlèvent des trucs, ils en remettent. Voilà. Et donc du coup, ils mettent de côté et de ces trucs mis de côté, ils en ont fait des petites. Donc est-ce que c'est des morceaux de Tour Eiffel? Ah oui, c'est sur la Tour Eiffel. Ah, oh. C'est des débris de Tour Eiffel. Ouais, mais ça sonnait moins bien, t'avoueras. Oui, c'est le truc de. Ah, j'essaye de faire une ref, mais j'ai pas tous les éléments, c'est terrible. Non, mais c'est le truc de l'arche là, machin. Est-ce que c'est toujours l'arche allez, terminé. Non, mais c'est un truc qu'est-ce en gros qui dit. C'était quoi le nom de ton artiste là? Team Dup. Team Dup. Team Dup qui nous écoute, j'en suis sûr en plus. Non, mais c'est le truc de. En gros, t'as une arche, enfin un bateau quoi. Et en fait, tu remplaces pièce par pièce au fur et à mesure du temps et de l'usure. Et au bout d'un moment, tu as remplacé l'entièreté du bateau. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est toujours ton bateau ou est-ce que c'est un autre truc, tu vois? D'accord. Et c'est un peu, je dis une allégorie, je sais pas quoi. C'est le chat de Schrödinger. Ouais, ouais. c'est la même chose. C'est le rat de Ratigan. Ouais, c'est ça, exactement. Un homme s'est déchiré la trachée tout seul. Je peux pas vous dire mieux. À votre avis, comment il a fait? Par accident, bien sûr. Sinon, c'est juste glauque. Avec un couteau? Pas du tout avec un couteau. Par l'intérieur? Ah, bonne question. L'intérieur. C'est pas mal. Moi, j'allais dire. Il a avalé. Ah, pardon. Vas-y. J'allais dire dégueulasse. En se branlant parce qu'il s'y aime bien. Ah, David Carradine. Comme Bill de Kill Bill. Oui. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle tue Bill à la fin. Spoiler. Elle l'étrangle. Putain, et il se branle. Je l'ai pas vu. Alors, non, il s'est avec pas. Bill c'est pas branlé. Big deal. Oui. qui lui, en l'occurrence, est mort en se branlant. Ouais, lui. Bah, pour ça qu'il est bleu. à la base, Bill est jaune. Donc il a avalé un truc? Il n'a pas avalé un truc. Mais c'est par l'intérieur. Attends, il s'est déchiré. La trachée, déchiré, pas l'œsophage. La trachée. Est-ce que vous pouvez m'indiquer sur vos corps où se situe la trachée? Moi je dirais que c'est vers là. Au niveau du cou. Juste à côté de l'œsophage quoi. Trop bizarre, hein, tu montes tes oreilles. Pas du tout. C'est là pour moi. Putain. Oui, comment il s'est arraché la trachée, le gars? Il y a quand même un corps étranger. Il s'est déchiré. Qui... Oui, il a mangé un truc. Pas de corps étranger. Wow. Ah! Oh là, attention. C'est Adrien. Continuez. Adrien, qu'est-ce qui se passe? Attends, Adrien. Non, c'est bon. En vomissant. Pas en vomissant. Ah. Mais on se rapproche. Ah, c'est quelque chose qui est sorti. En toussant. Pas à toussant, mais on se rapproche. En rotant. En éternuant. Très bonne réponse. Ouais, il s'est arraché la trachée. Waouh. Bon, nouvelle peur débloquée. Donc. Attention en éternuant. L'endoscopie. Ah ben attends, j'allais. T'allais éternuer. Mais c'est pour ça que j'étais un petit peu comme ça. T'allais dire bonne réponse. Ah, non, mais imagine. Mets-toi un petit truc dans le nez et tu frottes et après ça fait un tchoum. Pas la peine. Je suis allergique au chat, donc t'inquiète pas. Je suis un gros chat. Mais j'ai ramené. Non, mais il y a un chat ici. J'ai ramené un petit Zyrtec. J'ai ramené un petit Zyrtec, si jamais t'en as besoin, t'hésites pas, parce que je quel le coupon, ami en or, bah, quel ami en or. Vas-y, je veux bien, ouais, parce que là... Il y a une cafetière, pour pas de cafeté. De cafeté. De cafeté. Parce qu'on dit une cafetière, c'est parce qu'on dit du cafeté. Tu bois des crampetés, par contre, on est d'accord. Je bois des crampetés. Apagnant. Et il y a du Zyrtec, alors que je suis pas allergique au chat, je le pouponne, ce man. Tu veux un petit Zyrtec, Adrien? Et du gel hydroalcoolique. Ah, je veux bien. Par contre, fais pas genre la cafetière, juste pour moi. C'est tous les gens qui boivent du café. J'ai bu un café, donc c'est pour moi aussi. Tous les gens qui viennent et qui boivent du café. Moi aussi, j'ai une cafetière chez moi pour les gens qui boivent du café, alors j'en bois pas. Et il y a personne qui vient chez moi. On continue à parler ou ça va être horrible? On peut parler. Bah, au pire, il coupera au montage si c'est inintéressant. Ça allait bien, vous? Ça va correctement. Oh là, j'ai. Tu te barres pendant les JO? Bah, je sais pas encore. J'ai des propales, mais en même temps, j'ai un peu envie de louer mon appart et donc d'aller juste chez ma daronne dans le 7-8, tu vois. J'ai vu les sous que je pouvais me faire en louant mon appart, c'est indécent. Ouais, mais en même temps, moi, j'aime pas qu'il y ait des inconnus qui dorment dans mon lit, donc tu sais, je suis un peu là, genre, oh, qu'est-ce que mais je fais. Mais t'as le droit de louer. Tu es propriétaire? Ouais. Ah, super. Comme Fouini. Parce que moi, j'ai reçu le message de l'agence. Que tu n'as pas le droit. Qui a dit attention, attention, les cocos, hein. On se loue pas, hein. Putain, ça, c'est les propriétaires qui décident, hein. Bah, je sais pas comment. Bah, ouais, si tu me dis qu'il y a 17 millions de personnes qui arrivent, je pense qu'il va falloir se lever tôt pour vérifier quand même. Toc, toc, toc, c'est vous qui avez le bail? Oui, bonjour. Bien sûr, c'est moi. J'adore le badminton. Je suis Florent Bernard. Le Floorcaster. C'est moi qui ai fait les Leroy. Les Leroy. Us the Leroys. Non, le titre anglais des Leroy, d'ailleurs, c'est We Are the Leroy. Il y a un titre. Ah bah oui, bah, on est worldwide en fait. Pour les plateformes en fait. T'es Mister Worldwide. Je suis Mister Worldwide. Je suis Mister Beast également. Donc oui, ce monsieur qui s'est déchiré la trachée, quand bah même, oui. Qu'est-ce que l'endoscopie nous a révélé? A priori, rien d'anormal au niveau du pharynx et du larynx. La radiographie des tissus mous du cou a montré un emphysème. Alors là, je sais exactement de quoi je parle. Bah, au niveau on du comprend cou, en plus, c'est ça que bien. Nous suspectons une perforation de la trachée due à une augmentation rapide de la pression dans la trachée à cause d'un éternuement, nez pincé, bouche fermée. Ah, comme quoi, éternuer comme attends, des profs. Attends, il s'est pincé le nez pour éternuer. Bah, quel con. Et qui mérite? Bah oui, oui. lors d'un éternuement, la pression dans les voies respiratoires supérieures s'élève entre 1 et 2 kilopascales. Ah bah oui. Et bah oui, et kilopascal pro. Oui, bah oui. Moi j'allais dire kilopascal le grand frère. Ça dépend. Oui, ça chacun prend midi à sa porte. Non, mais bien sûr. Ouais, bien sûr. Et la pression peut être multipliée par 20 si le nez et la bouche sont bouchés. Les médecins recommandent donc de ne jamais, au grand jamais, retenir un éternuement et de le faire en faisant le plus de bruit possible. Non, ça c'est moi qui l'ai. Ouais. Mais moi plus j'y vais, plus j'aime bien ça. Bah oui, bah je vois très bien. J'adore être bruyant quand c'est satisfaisant. Quand j'éternue. Oh là là, en jouissant et en éternuant, c'est les deux. Non, trucs. Par contre, en jouissant, je me bouche le nez. Je me bouche la bite. Ça sentira pas. Non, non, non, non, non. Qu'est-ce que tu fais, Florent? Qu'est-ce que tu fais? No note. Et là, la trachée explose. No note life. Hashtag no note life. Hashtag van life dans la no note life. Ce serait le compte Insta que d'un gars qui vit dans son van et qui se branle pas. Ça peut être moi dans un mois. Tout dépend du succès des Leroy. Vraiment, tout peut se passer. Voilà, venez aux avant-premières. Hein. Venez. Ah, vraiment, c'est intéressant. Eh, mais est-ce que vous êtes des adeptes de Doctissimo? Non, non. De Doctissimo, en tout cas, de chercher sur Internet dès que vous avez un truc qui va pas. Est-ce que vous googlisez beaucoup quand vous êtes malade? Tout. Ah ouais? Ah ouais? Ah, tout. Je vais très peu chez le médecin et dès que j'ai une douleur. Je la regarde. Et en plus, j'ai un truc un peu, je fais un truc horrible, c'est je regarde aussi la douleur, la symbolique de la douleur. Ah, quoi la ah comment ouais. Ça, la symbolique? Toi, tu vas détester. Bien sûr. Tu vas détester. Bah, t'es verso, quoi. Ça. Je suis cancer, ascendant cancer. Genou droit, problème au boulot. Exactement. Oh non, ah oui. Ça. Mais ah oui, c'est comme le fait parce que. Moi, je n'y crois pas beaucoup plus, mais j'essaie de comprendre. Est-ce que ça marche? Enfin, est-ce que des fois tu sens des liens ou est-ce qu'en oui, vrai bah, de vrai tu dois quand un... tu te persuades, tu trouves toujours des liens. Non, mais je suis non. La question à Lisa. Oui, oui. On donne la parole à n'importe qui. Non, je suis un peu une angoissée, donc parfois je me dis que c'est mon angoisse qui me crée des douleurs. Ouais, aussi, donc d'accord, ok. J'essaye d'aller aussi dans les deux sens. Ok. Mais très souvent, là, j'ai cru par exemple pendant plusieurs mois que j'allais faire une appendicite. Ah oui. Et j'ai prévenu carrément mes amis, j'ai dit, je pense que je vais pas tarder. C'est pas arrivé. D'ici 6 mois. C'est pas arrivé. Mais ça, c'est un vrai truc. Moi, j'ai jamais eu l'appendicite. Et donc, j'ai aussi la même peur du. Mais ça va m'arriver tard. Ah, bah, ma mère l'a eu à 45 ans. Ah, donc, ouais. En fait, je me dis, ça bon, peut bah, arriver, mais il y a quand même moins de probas. Je suis pas mathématicienne, mais. Alors demi-docteur et oui, demi-journaliste. Je suis à demi-tout. Je suis à demi. Mais y a le bateau. Ça. Oh, le bateau. Oh là là, non, je sais pas quoi. J'adore cette chanteuse. Je l'ai eu à 6 ans, l'appendicite. Ah ouais. Moi j'applaudis en fait. Je suis early adopteur. Mais tu peux vivre sans avoir jamais l'appendicite? Oui, bien sûr. Ah, je savais pas. C'est pas comme la rougeole ou un truc comme ça. La varicelle, pardon. Ah, tu pensais que tout le monde y passait un moment? Ah ouais, moi j'ai comme la varicelle. Ouais, c'est ça, je pensais que. Je crois qu'il y a des gens qui se le font enlever. Ah ouais, par précaution quoi, genre comme ça je. Bah ils ont du temps hein. Toi Marie, tu regardes beaucoup sur internet? Pas du tout, je regarde non. Pas parce que déjà moi je suis quand j'ai un problème, je suis en déni. Et d'accord. Du coup, j'ai l'impression que le ça va trop aussi, bien. J'imagine. J'ai un Denis Lovato. Ou la malice. Donc je suis en mode, mais non, je suis pas du tout malade. Bah, Marie, tu es toute rouge et tu sues et tu as du truc qui sort du nez. Je suis en mode, ouais, pas du tout. Et rien. Le moment où je switch. Où je suis en mode, en fait, je crois que je suis malade. Là, ça y est, je pars en effondrement, ah ouais. Mais je regarde rien et je prends pas de médoc. Je suis un peu une merde en mode, c'est dans la tête, ah tout oui, est d'accord. Dans le mental en fait. Alors que non, c'est juste des maladies. T'es une girl boss, une girl boss même dans la maladie. Non, mais tu sais qu'en plus, je me moque beaucoup des girl boss, mais j'ai quand même une part de moi qui est un peu girl boss. Hein. Mais bien sûr, hein. Je suis une grosse merde. Je suis là, ouais, le capitalisme, trop de la merde, et en même temps, j'adore acheter des trucs. Ah, bah, oui, c'est bah, pareil bah, pour le girl boss. C'est nous tous, ça. C'est nous tous. Et sauf coup, les gens qui envoient des messages sur les IA, eux ils sont nickel. Ils sont top. Rien à reprocher à ces gens. Toi Adrien, t'es comment là-dessus? Non, bah je... Toi, je sais, t'as un vrai truc de... Non, ouais. Mais on commence à se connaître. Non, non, mais vas-y, vas-y, non, mais je t'en supplie. Il y a un truc de... Oula, oula, si ça sent la maladie par là, mais ne vous approchez pas de moi. Enfin, il y a quand même un truc où... Un peu germophobe. Ouais, un petit peu. Peut-être un petit peu germophobe. Non, je suis pas germophobe, juste le reste de l'humanité sont des porcs. Hein, je veux pas dire, mais pardon. Non, non, mais moi, je mets encore un masque en ce moment dans le métro. Parce que si je peux m'éviter de choper la grippe, par exemple. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens... Je parle pas du tout du sujet, mais c'est pas grave. Non, non, mais il y a des gens qui disent « Eh oh, c'est fini le Covid, les masques !» Bah oui, mais en fait, ça marche pour toutes les maladies. Tu vois, là, il y a des grippes à balles en ce moment. Ouais. Bah, si je peux éviter de choper la grippe, parce qu'il y a des gens qui toussent comme des... Comme des chiens dans le métro, je peux mourir. Tant mieux, quoi. Non, mais les d'autant... gens qui toussent dans le métro sans se faire, genre sans avoir honte. Ouais. Je sais pas comment ils font. Parce que tu tousses, bon bah t'y peux rien. Mais normalement t'es mort de honte et ils sont là. Ouais. Oui, il y en a qui mettent la main comme une fois. Comme un arroseur automatique. Ils mettent la main une fois. Ils mettent la main une fois, tu sais, ils font avec la main. Puis ils disent bon bah c'est bon, j'ai mis la main la première fois. J'ai fait preuve de bonne volonté. Donc les 5 autres fois, je vais tousser vraiment directement dans le visage des gens. Un petit peu sur l'oreille. Mais du coup, je cherche. Non, en vrai. Pas trop, je crois. Je cherche un peu, mais je psychote pas trop là-dessus, quoi. Bah, après, souvent, c'est les 4-5 mêmes maladies, enfin, surtout. C'est soit t'as un rhume, soit t'as la grippe, soit t'as la gastro, enfin, voilà, c'est ça. Mais l'an dernier. Moi, c'est depuis que j'ai un bébé, par contre, ça, c'est sûr que t'es tout le temps sur Internet. Ah, bah oui, ça, c'était obligé. Non, moi, l'an dernier, j'avais senti une boule, une petite masse dans mon testicule gauche. Oh! Alors là j'ai cherché et là j'ai bien flippé ma race, mais sauf que du coup j'ai pris rendez-vous immédiatement, tu vois, en fait le truc c'est que je suis pas resté à me dire à chercher, j'ai pris rendez-vous tout de suite et j'ai fait une IRM je crois, une écho de couille, non. Une écouille d'ailleurs. Parce que l'IRM c'est le gros tube. Ouais, où tu rentres dedans, c'est que ça. IRM c'est que. De toute façon, on ne vérifiera aucune info. Bah, c'est une échographie alors. Bah, je suis pas journaliste. Non, c'était un gars dans la rue qui palpait. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Mais... Ah ouais, en bas de chez toi là. Et il lisait l'avenir pour savoir si t'as mal au couille, ça veut dire que. Il est le roi, ça fera le temps d'entrer. Mais je suis passé. Il y a un Cupidon qui m'a fait un soin au testicule. Ça c'est un truc. Parce qu'on a. Bon, on digresse encore, mais c'est avec vrai. Marie, on s'envoie des reels de genre un peu ésotérique. Ok. Et il y a un mec, est-ce que tu veux expliquer ce gars ? Bah, il y a un mec qui physiquement ressemble à un poète et que genre je pense j'aurais pu le match sur Tinder, mais il est complètement zinziflex parce qu'il. À un moment, il est dans une de ses vidéos, il s'assoit à côté d'une statue, je sais pas comment on appelle ça. Une espèce de vasque, enfin un truc. Tu sais, les trucs qu'il y a genre au château de Versailles, quoi. Genre oui, une statue, d'accord. Il fait ah, je vais me faire un petit soin du cœur par un chérubin. Ah, oh, c'est incroyable, il y a un chérubin sculpté sur la vasque. Bah oui, mais lui, parle d'un chérubin invisible que lui peut voir. On peut admettre qu'on n'a pas tout à fait compris vraiment ce qu'il disait. Mais parce que chacun de ses reels est coupé avec la teub et que du coup il n'y a jamais la fin de phrase. Ah oui. Mais ouais. C'est fascinant. Il fait ouais, là je vais me faire un petit soin du cœur et tout par un petit chérubin. Et il voit donc des entités. Voilà. Il dit, et en face, il y a un autre chérubin et il va dans la sculpture d'en face et il dit bon bah lui il est plutôt sur la tempérance. Je sais pas quoi. Il dit un autre truc. Donc là hop, il m'a fait un petit soin. Il là il vient de me faire un soin. Les chérubins. Ils veulent grave faire des soins souvent. Même des fois un peu forceur. C'est sûr, dans la rue, tu fais oh là, non, c'est bon, j'ai pas besoin d'un soin. Sur les. Oui, sur Il faut refermer les 6 parenthèses. C'est ça, c'est le Doctolib. Tac, Doctissimo. Non, mais cela dit, moi, sur les métros et des masques, etc., par exemple, ma meuf, elle a eu la grippe A, là, récemment. Et ça l'a couché plus que le Covid. Donc effectivement c'est mieux de mettre des masques. Non mais ouais, dès que t'es un peu. Moi dès que je suis un peu. Bon, de toute façon je le mets de toute façon tout le temps. Mais si je sais que je suis un peu malade, je fous un masque quoi. Même si c'est un rhume, même si tu vois, j'ai pas envie de refiler ça à quelqu'un quoi. Parce que je suis génial. Il est sympa. Il est top. Non mais il est super. Il nous protège. Non mais il protège la France même. Dans sa globalité. Mais si vous deviez choisir dans les 3 maladies qui y arrivent le plus, vous préférez le rhume. Okay. L'angine, ça, ou la gastro. Bah, c'est pas la gastro déjà. Et ben moi c'est la gastro. Ah, je préfère la gastro. Vous préférez la gastro. Taré, la gastro. J'ai déjà des problèmes digestifs. Franchement, ça me changera pas. C'est ça. Non, mais arrête. Moi, la gastro. Tu dégueules. Chaque jour, que Dieu fait. Quand j'ai la gastro, j'ai quand même faim, moi en plus. Franchement, ça ne change rien. Ah. Ça me met mal, mais le rhume, je trouve ça horrible. Ouais. L'angine. L'angine, c'est la pire pour moi. Déglutir, ouais, l'angine, c'est horrible. Et t'as des aiguilles dans le cou. Ouais. Mmh. Non, non, je préfère chez moi. Moi, je choisis le rhume. Bah ouais, rhume aussi. Rhume, moi, je l'ai eu pendant un mois et demi là, donc. Oui, ça... le rhume, il y a quand même ce truc très très chiant de te lever avec la barre au crâne du mal de tête parce que le nez est bouché et que t'as pas bien dormi. J'ai pas ça, moi. Ah, t'as pas ça? Moi, pas trop non plus. Ah genre. Ouais? Ah, moi, je me réveille souvent avec le mal au crâne parce que le nez est bouché et donc du coup. Tu bois de l'eau? Ouais. C'est exactement ce que j'ai fait. Tu bois de l'eau? Tu fais du sport? Tu prends un max d'eau et tu pèles là, tu pèles du nez là, tout là, t'es tout rouge. Ça, je m'en branle. Ah, mais quand tu te mouches beaucoup, ça commence à faire mal. Peler du nez et la chiasse. Et dégueuler et avoir la chiasse. Mais moi, je trouve qu'il y a autre chose, c'est que le rhume et l'angine, etc. Il y a un truc où tu dois quand même aller travailler. Enfin, tu vois, la société n'a pas accepté trop, je trouve. Non, mais vous êtes des saltimbanques. Évidemment, vous avez rien à foutre. T'es quoi, toi? Ah, j'ai mal au doigt, bah je vais pas bosser. Moi, je bosse tout le temps. Moi, je bosse. Je suis au States, je te rappelle. Dans ta tête, tu bosses tout le temps. C'est vrai que vous êtes pas salarié. Moi, je peux te dire que si j'ai une gastro, personne n'a envie au travail déjà de choper ça, de voir ça. J'ai peur que les gens s'imaginent que je suis en train de vomir. Non, mais moi, je les préviens quand même. Je peux dire, je viens pas au bureau parce que j'ai la gastro. Le rhume ou l'angine, non, je peux y aller. Ça, mais c'est contagieux aussi. Hein. Oui, je suis d'accord. Je dis pas le contraire. Je suis d'accord, mais il y a un truc. Je parle de la société française. Non, mais moi, il y a un truc avec le rhume qui est. Parce que c'est un virus, le rhume. Comme la danse d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Je suis Billy Elliot. La scène et la danse. Non, mais. Genre j'en ai eu donc une rhinopharyngite pendant un mois et demi et je suis allé chez le médecin du coup genre deux fois et tout et vraiment les médecins ils disent non bah c'est un rhume et tu fais ok. Ah oui, ça bah fait... voilà, il y a rien à faire et tu fais bah peut-être le virus qui est le plus répandu au monde, trouver un truc quoi pour le guérir, non, je sais pas, du Stérimar, je sais pas. Mais ah ouais, ça, ouais, mais ça, non, mais ça soulage, mais en vrai, ça soulage. Je peux confesser un truc, vas-y. J'aime bien avoir la fièvre. Bon, okay. Genre c'est un... pendant des heures ou bah, sur le dance floor notamment. Ah, okay, d'accord. Mais j'aime donc quand le rhume n'est pas douloureux, tu vois, c'est-à-dire il peut ne pas y avoir de douleur, t'as juste l'état un peu de fatigue et okay. De la fièvre. Marie, c'était pas ma question. Si je dis là, excusez-moi. Si je dis la gastro, je dis bah non, mais non, je mais dis pas, j'ai une petite. Je lâche des caisses, mais je reste à la maison. Non, mais ça reste un rhume. Rhume, il est pas. C'est juste, tu respires mal et t'es un peu défonce-man, quoi. Ouais. Je dis comme ça en faisant des pisses avec mes doigts. Moi, je sais pas. Le fait de se moucher tout le temps, moi, ouais, vraiment, ça me gave. Okay. Et se torcher tout le temps, par contre, ok. Mais tu te torches pas tout le temps. Non, tu te vides quand tu manges du riz blanc. Ouais, c'est ça. Au moment d'un moment, tu chies plus rien. Non. Le seul vrai truc relou de la gastro, et ça, je te l'accorde, Adrien. Bah, s'il te plaît. C'est de te dire, quoi qu'il se passe dans mon estomac, faut quand même que je m'assoie sur des toilettes au cas où. Oui. Ça, c'est le truc où effectivement. Et donc, tu ne sors pas. Tu restes chez toi, t'es avec le petit iPad. Tant mieux d'ailleurs que vous sortiez pas quand vous avez une gastro. Personne ne sort quand il y a une gastro. Non, mais là, vous dites, tu sors pas parce que tu peux chier à tout moment, mais c'est, tu sors pas parce que t'es malade en fait, normalement. Oui, bien oui, sûr. Bah oui, bah quoi. Oui, mais quand t'as un rhume ou une angine et tout, je te le dis, tu dois sortir. Là. Enfin, la société. Bah, l'angine, j'ai l'impression que ça passe. Tu peux faire passer les gens. Moi, j'ai quelqu'un en face de moi qui fait. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais en face de moi? J'ai Gargamel, apparemment. J'arrête pas de dominer le monde à la petite Schtroumpf. Oui, quelqu'un qui me tousse à la gueule. Non, je suis un peu malade. Mais t'es horrible. Ouais, genre, tu veux que je meure aussi en fait avec toi. Et alors, le pire, moi, c'est les gens qui disent je te fais pas la bise, je suis malade et qui te tendent la main. Moi, je te la coupe. Si j'avais un sabre, je couperais ta main là. Un bar bondé s'est vu vider une fois que le chanteur Ed Sheeran. C'est pas une fable de La Fontaine. Hein. Voilà, c'est une question. Ed Sheeran a commencé à jouer la chanson Shape of You. Tout le monde s'est barré. À votre avis, que s'est-il passé? Ils ont baisé, ils sont tous allés baiser. C'est une très bonne réponse. Non, c'est vrai? Non, pas du tout. Putain, t'imagines avoir ce pouvoir. Comme avec les serpents qui sortent des trucs, ouais. Là, c'est, tu baises. Ou genre le joueur de flûte de Hamelin, là. Ou le bruit marron, évidemment. Le parfum. Oui. Dans la dernière scène du parfum, le film. Putain, ah oui, ils sont tous bouffés. Il met une petite goutte de parfum et tout le monde baise et meurt en même temps. Je sais plus. Ouais, c'est ça. Oui, Jean-Baptiste Grenouille. Oui, voilà, ce nom. Là, vous inventez un film. Non. Le parfum, bien sûr. Jean-Baptiste Grenouille. Oui, il s'appelle Jean-Baptiste. C'est un français dans le film. Oui. Non, mais attendez, c'est quoi? Dans Starmania, il s'appelle Johnny Rockford. D'accord, mais c'est quoi ce film, le parfum? C'est un bouquin à la base et c'est un gars qui sent super bien les choses. Genre là, il peut faire. Ah là-bas, il y a de la bergamote, tu vois. Genre, il sent très loin. Il est né, tout simplement. Il est né, né next level. Il est né. Il est mon nez. C'est te dire à quel point il est né. Et il essaye de récupérer l'odeur d'humain, notamment de meuf rousse. Genre, c'est un peu son kink. Et il récupère leur odeur pour faire genre le plus délicieux des parfums. C'est ça. Et du coup, il les bute, les meufs. En bref, c'est j'ai tout raconté. C'est un homme. plus ou moins. C'est un homme qui a écrit ça par hasard? Non, non, mais c'est un très vieux bouquin, okay. Attention, okay, c'est un truc qui date. Et moi j'avais plus ta rêve de la pub Axe, où quand il met du Axe, il y a plein de meufs qui sautent sur lui. Ouais, mais c'est vrai que c'est l'adaptation de ce bouquin en fait. Je me rends compte aujourd'hui. Mais l'inverse. Le parfum du parfum, c'est peut-être le premier Axe. Mais genre, c'était, ça sentait le Axe. Le premier Axe de l'histoire. Sachez que je me suis réveillé quand même à 32 ans. Parce que les gens disaient. Enfin. Ouais. Les gens disaient. Je sais pas. Alors, tu sors d'un profond coma, c'est ça qu'il faut. Ouais. Ouais. On est en 2024. Mais j'ai l'impression que c'était ridicule de mettre du shampoing Axe et de la. Attends, du shampoing Axe. Gel douche Axe. Axe, ils font du gel douche. Ah oui, ok, tout. D'accord. Et je sais pas, je me sentais moqué quand j'en parlais dans mon entourage. Mmh. Ultra beauf. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et bien, le gel douche Axe est devenu mon préféré. Et Dieu sait que je les ai tous testés. Mais celui qui s'appelle Réveil Détox. Alors j'ai conscience que c'est ridicule. Non, j'ai conscience que c'est ridicule. Il y a des extraits de chérubins, je crois, dedans. Mais je te jure, il y a une sensation de c'est frais. C'est vivifiant. Il y a une sensation de frais que je n'explique pas. Il y a quoi? Il y a du camphre dedans. Jamais, on te jugera jamais. Vous pouvez me juger. Mais est-ce que le packaging est noir avec des flammes pour ta virilité? Bah bien sûr. C'est sûr. C'est malheureusement une catastrophe en termes de packaging, mais le truc me fait du bien, quoi. Le truc me je me sens bien après mais avoir alors, mis ce truc-là. Je comprends parce que. Attention, Axe, n'utilisez pas cet extrait pour mettre sur vos réseaux. Mais ça y est, maintenant, c'est il est parano. C'est un truc de giga beauf. Non, parce que plusieurs fois, ça m'est arrivé. On nous prend des extraits attends, de ce à chaque et fois, mecs... parce que t'as des goûts de beauf. Ouais. Tu parles du y a Quick. Quick, Quick, qui prennent un extrait en disant t'inquiète pas, Flo, on revient. Je suis genre, ben laissez-moi tranquille. J'ai juste dit que j'aimais bien Quick. Mais... Ouais, ah, des extraits, les CM prennent des extraits du Floodcast pour faire leur promo. Gata, sans nous payer. Biper tout. Sans nous payer. Donc non. Non mais une fois j'avais putain comment ça s'appelle, c'est justement c'est l'inverse de Axe, c'est un peu une marque de gel douche. Sanex. Non mais l'inverse genre de... non, c'est non, c'est parti le là-dessus petit aussi. Marseillais ouais. Non mais c'est un truc Quinry des States un peu, et ça s'appelle Docteur machin, c'est un truc un peu santé et c'est tout blanc là. Non, c'est il y a plein de trucs écrits dessus. C'est un peu bon, je retrouverai la ref. Mais il faisait notamment un gel douche à la menthe poivrée. Et je pense que ça pourrait te plaire du coup, parce qu'il y avait vraiment ce sentiment. Même je m'étais lavé un peu du coup, sur les tétons. Bah, je m'étais lavé la teub avec, et c'était pas forcément très agréable. Ouais. Il y avait un côté genre ma teub prend mais vie quoi. Mais même le Axe qui n'est pas arrivé depuis. Je n'ai pas eu cette sensation depuis bien longtemps. Qu'est-ce qu'elle fait? No fap, no van life. Mais cela dit, le Axe, attention, ouais. Pareil, il y a un petit effet, mais voilà, pas forcément très agréable. Mais qui réveille. Qui détoxe aussi d'ailleurs. Non, mais je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que tu prends une douche chaude, tu mets du gel douche et d'un coup c'est froid alors que t'as mais ça a l'air super. C'est mais très c'est agréable. Que ça, il doit y avoir de l'eucalyptus, un truc comme ça. Je pense que c'est un délire du style. Dr. Bronner's, voilà, ça s'appelle. Ah oui, je vois. Voilà, visuellement. On salue bien d'ailleurs. Bah oui, il écoute. Il écoute. Ça a cette gueule-là. Voilà. Ah oui, il a écrit beaucoup de choses. Ça, c'est pas du tout blanc. Mais ça, t'achètes ça. Celui dans tes... à l'amande douce sent extrêmement bon. Voilà, tu trouves pas ça dans un monop, toi. C'est si. Dans tes trucs de si, bobo. Ça, ah si, ouais, c'est chez Manop. Littéralement. Je prends tout à l'amande douce. Alors, le petit si Marseille. Vous nous écoutez, sachez-le. Marie Debrère, tweetez-le en fait. Tweetez-le. Marie Debrère adore. Le... Bah, bien sûr, le petit Marseillais amande douce, ça c'est le gel douche. Le shampoing amande douce. Le petit liquide vaisselle amande douce. L'amande douce, c'est. Amande douche, quoi. Moi je suis fou d'après shampoing. Non, mais c'est vrai si vous êtes fou d'après shampoing. Je suis fou d'après shampoing. Non, pas trop, non. Ouais. Oh, ça va. Ah, c'est non, mais je suis fou d'après shampoing. En fait, je vous donne mon petit que j'adore. Oui, vas-y. Petit shampoing. Je nettoie. Après shampoing, je nettoie. Je sèche très vite fait et je vais me coucher. Et le lendemain matin, oh là là, la main dans les cheveux, c'est délicieux. Tout doux. Ah, tout doux, bouclé. T'es douche le soir, toi? Ah, moi je suis douche le soir. Bah, t'as la saleté de la journée. Eh oui, tu te rends pas dans ton lit, c'est dégueulasse. Bah ouais, d'accord. C'est dégueulasse. Ah, je suis d'accord. Mon rêve, serait de faire. Dans quel monde vous voulez avoir la chiasse et vous laver le soir? Ouais. Non, mais mon rêve serait de faire matin et soir, mais pour des raisons d'écologie, j'essaie d'éviter. Mais le soir, pour moi, c'est celui qui est obligatoire parce que je me couche dans mon lit. Et j'ai besoin d'être propre dans mon lit. Je sens que Lisa est dans mon lit. Ah, je suis totalement dans ton camp. Moi, je suis douche le matin et le soir, je me. Ça va, vous baisez dans votre lit, vous transpirez dedans de toute façon. Donc, Pas du tout, on se redouche après. Alors, justement pas. Moi, il y a mon chat. Tu transpires dans ton lit, tu te douches après, tant mieux. Mais laisse-moi faire ce que je veux avec mon lit. Vous chiez dans votre lit. Mais alors, du coup, le matin, t'as ton petite odeur là de cornflakes de matino là, que tu transportes au travail. Alors, en vrai, moi, j'ai un rythme de vie. Une moitié de la semaine, je me douche le soir et l'autre moitié, je me douche le matin. Ah putain, mais exprès. Enfin, genre c'est dans en fait, parce rituel, que par ou... exemple, j'ai une partie où je suis salarié dans une entreprise à mi-temps, donc je me douche le soir, petit pyjama propre, et le lendemain, je suis propre, hop, je pars. Mmh. Et t'es le cartel, t'es propre. Je termine tard, Donc quand il est 1h, 2h du matin, je me fous au pieu et le lendemain matin je me douche. Ah, tu veux dire que tu te douches pas le soir quand t'es bien crade. Quand t'es allé dans une salle avec des gros dans humoristes une... qui sont dans une cave à 60 personnes, aucune logique. Quand je fais mon sport, je me couche dans mon lit là, sans me doucher. Par contre, sinon, quand je fais rien, je me douche. Mais par contre, attention, on ne transpire pas tant que ça dans le lit. Qu'est-ce qui t'arrive? Je dors avec mon chien dans le lit. Moi, je suis dégueu. Dans ma chambre. Oui. Bah oui, c'est ça. En dormant. Mais moins que dans le métro. Oui, d'un godin que t'es. Non, mais bon, tu suis dans le métro, pourquoi? Bah non, mais il y a du monde, t'es blindé, c'est blindé. Moi, par exemple, je fais du vélo. La journée, je fais mes transports en vélo. Le soir, j'ai besoin de prendre une petite douche. Oui, d'accord. Mais... Et malheureusement. Non, mais moi, ce que je dis juste, c'est les gens qui disent bah, évidemment, je douche le soir. Oui, bah, les deux se valent. Les deux se valent. Bien sûr. Mais ça, vous savez, on a un podcast très les deux se valent. Hein. Ouais, alors, là, de bataille. Oh, putain. Ah, Marie j'ai est morte. J'ai fait vomir Marie. Bon, voilà. Attention à ta trachée. Je déconne pas. Je suis dead. Non, elle est dead. Adios. Pourquoi j'ai dit excusez-moi, pardon. Ed Sheeran. Mais oui. Ah mais oui, mais oui, mais oui, il puait. Et non, il ne puait pas. Alors, est-ce qu'il boycotte la chanson? Non. Il y a un truc éthique genre Non, il y a rien d'éthique, il y a un petit piège même, je vais vous avouer. C'était pas Ed Sheeran. Ah, c'est en playback. C'est Ed Sheeran, c'est pas en playback, je vous refais quand même l'intitulé. Un bar bondé s'est vu vidé une fois que le chanteur Ed Sheeran a commencé la chanson Shape of You. À votre avis, que s'est-il passé? Et en fait, il y a un petit piège. Est-ce que ça a rien à voir avec Ed Sheeran? Non, c'est Ed Sheeran et il a vraiment joué la chanson dans un bar. Oui, mais ce que je disais, c'est ça pourrait n'avoir rien à voir avec le c'est fait le qu'il bondé. A chanté. C'est le mot bondé. Non, c'est pas. Alors, c'est pas le mot bondé, mais effectivement, il y a un petit twist. Mais effectivement, c'est vraiment Ed Sheeran qui a vraiment chanté, qui a vraiment dans un bar. C'est, vraiment, en jouant à la cause chanson. De ça. Ouais, c'est vraiment quand il a commencé à chanter que ça s'est vidé. Bah, il a enflammé sa guitare. Ils sont tous allés danser dehors. Non. C'était trop fort. C'était pas trop fort. C'était trop bas. Ah, cela dit, c'est sûrement le son de la musique qui a fait peur. C'était. Est-ce que c'était un bar à chats? Très bonne réponse, Adrien Méniel. Et donc. Les chats ont eu peur, ils sont partis. Les chats se sont barrés. Et ouais. Attends, tu veux dire, c'était un bar bondé que de chats? Exactement. Il a joué que pour des chats. Ouais. C'est ça. Quoi? Ouais, ouais. Bah attends, parce que normalement, un bar à chats, le principe, c'est qu'il y a des clients humains qui sont censés. C'était pour les réseaux, mon pauvre Adrien, tu le connais. Ah, c'est de la com. De l'exploitation animale marrante. Comme les yoga, les puppy yoga là. Je sais, j'ai honte, je l'ai fait. Allez, ouais. Je me cancel, je l'ai fait et effectivement, c'était horrible. Moi je supporte pas ça. Ah, j'ai un chien. Non, mais tu vas, il y a des chiens sur place, c'est ça. Ah, ok, tu loues un chien. Non, tu vas, ils ont des chiens et tu fais du yoga. Ah, ouais, des chiots. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, c'est que des chiots. Et ils font genre. Et en fait, ils te forcent, ils te les prennent. Ah, je pensais que tu les faisais avec ton chien. Et ça pisse et ça chie partout. Et en fait, j'étais là-bas et en fait, c'est très mignon. J'adore les bébés chiens, ça me touche. Mais en fait, je pensais qu'on pouvait les adopter et que c'était. Mais c'est ça le principe. Mais en fait, non, ils étaient tous déjà adoptés. Ah, bah, et là, ça du yoga avec eux. Ouais. Oui, ouais, surtout, c'est... Enfin, yoga, en plus, ils n'aiment pas le yoga, les chiens, oui, c'est bien connu. Être bien ils préfèrent manger leur merde. Non, mais je vous explique, en fait, ils sont pas là pendant le yoga, ils sont dans un petit parc, là, comme des enfants, et à la fin, t'es 20 minutes de yoga qui sont vraiment pas du yoga, c'est ridicule, tout le monde veut juste voir les chiens, et après, ils te balancent les chiens qui chient tu leur fais partout, des papouilles, machin. Tu leur fais des papouilles, mais en fait, ça met mal, c'est pas bien, ne le faites pas, c'est pas bien. J'ai un fun fact, Ed Sheeran. Ah, je t'en souviens. Je suis dans un clip d'Ed Sheeran. Mais sans déconner. Je me permets de le dire. Ah bah pas mal. Genre si on regarde le clip, on te voit. On peut te on voir. On voit. Alors si on met pause au bon tes moment. Tes cheveux. Faut vraiment mettre pause au bon moment. On voit mes mains 100%. Genre, ouais. Très facile parce que tu caresses Ed Sheeran. Bien sûr. Il y a pas Ed Sheeran dans le clip. Je suis dans le clip d'Ed Sheeran parce que en fait. Bah il y avait pas de place pour vous deux. C'est-à-dire c'est soit toi, deux égos immenses. C'est ça. À un moment. Mais j'ai une pote à moi qui a gagné une sorte de concours de. Enfin c'est même pas un concours. Je dis de la merde. Mais il a lancé genre partout dans le monde à des réals, donnez-nous des idées de clips et on vous embauche pour faire le clip et tout. Elle a gagné. Oh. Du coup, c'est ma pote Clara Griot qui a réalisé ce clip. Et à la base, fait des clips de hardcore, donc c'était rigolo qu'elle fasse From Hardcore to Ed Sheeran. Quoi. et du coup, bon, bref, on s'en fout du concept du clip, mais la scène de fin, elle voulait une teuf avec plein de gens, donc on a tourné ça dans un karaoké et tout. C'est là où je suis devenu zinzin de karaoké, on a déjà parlé avec Adrien, bref. Ouais. Et du coup, il y a ma petite main dans le clip de Chiran, et je pense qu'il y a ma tête à un moment, et c'est trop marrant, non? Pas mal. Bah, félicitations. Et j'embrasse Clara au passage. Félicitations. Félicitations. Bravo. J'aime cette anecdote. C'est trop moi, c'est je suis pas. Enfin, si, je suis dans des clips. Si, des Fatal Picard. Les Rois de la Suède. Les Rois de la Suède. Voilà, moi aussi, de rap. Je suis dans un clip de rap. De qui? De Nekfeu. Oh, c'est ce que je me disais. Pas mal. À l'ancienne. ça ira à l'ancienne. Bien un Nec le Fennec. Nec le Fennec. Nec le Fennec, tout à fait. J'étais très fan. Je joue une policière qui le frappe, donc vraiment c'est. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Bah, pas mal. Jeu. C'était. Ça va les vedettes. Parce que le Ken avait vu beaucoup de violences policières. Le clip est terrible. Je... Ah ouais. Il vient pas genre de Grenoble ou de. Non non, c'était mon voisin en fait, c'est pour ça. Non non, mais il vient de. De Paris non. Non, de Paris 15. Et il est grec. Non, mais à 995, ça te parle, mon pote ? Non, mais il y avait un journaliste qui avait dit « Ah, quand j'habitais à machin, j'étais un petit garçon, il y avait un Bertrand manège. » Ah, Bertrand Chamerois. C'était ça, c'était Bertrand Chamerois qui avait eu une anecdote. Pas, c'était pas à Paris, que, je sais l'anecdote. Je t'avoue que j'ai complètement oublié. Pardon ? Qu'est-ce, que tu as, qu'est-ce que tu as dit, là ? Je vous cancel. Qu'est-ce que tu as dit ? Moi, je le trouve un peu violent. Est-ce qu'on peut mettre un chouïa de lumière ? Bien sûr. Je plonge dans la dépression, c'est bon. Oh, il est au petit soin. Ah non, mais alors que je suis pas à la base. Je l'ai acheté pour rien. À la base, il y avait zéro lampe. Donc, c'est vous dire. Donc oui, Ed Sheeran. C'est drôle d'ailleurs. Alors, juste vite fait, moi, j'ai réalisé un clip pour Linkin Park. Mais j'ai perdu le concours, en revanche. Mais ils avaient fait le même délire. Et tu devais réaliser un petit clip, mais moi, j'avais... Donc du travail gratuit, quoi. Oui, c'est ça. Non, non, parce que c'est pareil, c'est un concours, c'est... Oui, oui, mais c'est le principe. Oui, il y avait de l'argent. Moi, je cancel ça. Oui, c'est bah, si tu gagnes, t'as de l'argent. Oui. Non, mais en fait, tu devais faire un pitch à l'écrit. Ah, c'était pas pareil. Ah, okay, il ouais. sélectionnait quelqu'un et en fonction du pitch, ça il donnait va. Des sous pour Florent. Florent a mis 5000 balles. Ça, ouais, là... Non, parce que moi, j'avais à peine 18 ans, parce que j'étais à la première année de fac. Et c'était, oui, tu faisais des petits clips vidéo. Je crois que c'était avec Dailymotion à l'époque. Mmh. Et c'était Linkin Park qui avait fait ça avec Dailymotion. Et on avait fait des petites vidéos. C'est limite, c'est limite. Donc, oui, Ed Sheeran, il était à Tokyo. Il s'est rendu dans un bar à chat. Il a joué. Et les chats se sont barrés tout de suite. Et il souligne dans la légende de la publication qu'il avait déjà tenté ça il y a 10 ans, en 2014. Et que déjà à l'époque, les chats s'étaient barrés. Mmh. Donc, les chats ne sont pas très. Méloman. Oui, peut-être ça. Que oui, les animaux n'aiment pas les lieux ultra bruyants, peut-être, je sais pas. Mmh. Après, Ed Sheeran, c'est à la cool, c'est pam. Ouais, pam, mais c'est quand même du pam, son amplifié pam, et tout, pam, c'est pas. Bah, mon chat, j'amène à des concerts, il est fire sur les épaules. Qui s'appelle Chiquita, rapport à qui ? À Jules. Un homme a reçu une lettre après avoir été flashé par un radar. Il a reçu une amende. C'est un peu particulier. Je vous demande en quoi c'est particulier. Une amende douce. C'est ce que j'allais dire. Oh, mais... Je t'adore. Elle avait une super odeur. Alors attends, il a reçu une lettre. Est-ce que c'était une lettre de la genre de la préfecture, une lettre officielle? Exactement. Ok. Pour exactement. Dire qu'il était beau. Pas pour dire qu'il était délit beau. De beauté. On dirait un truc d'idole que tu offres. Tu sais, voici une amende pour délit de beauté. Ouais. Oh. Et quand tu frottes, ça fait amende douce. Ou un spectacle d'un humoriste ringard. Avec t'es très sur les humoristes aujourd'hui. T'as envie? Eh, hey, tu calaches aujourd'hui. Attends, je m'adapte aux invités. Elles sont dans le domaine c'est de la scène. D'ailleurs, je vais tester là. D'ailleurs, je vais tester. Je vais faire un 5 minutes, ça vous dérange pas? Alors, t'es venu à vélo. Le vélo à Paris. Attends, tu fais gling gling, les gens ils restent sur ta voix. Super chiant. Là, je m'énerve. Hein. Non, mais alors que normalement, je suis calme. Cela dit, hey, je t'ai vu arriver en vélo. Ouais. On a les écouteurs dans les oreilles. On a fait un écouteur sur le oui. Oh, attention. Comme moi. Ouais. Moi je fais ça. Ah ouais, roule sur le trottoir, ça je le fais pas, mais. Non, mais parce que. Tu m'as doublé, t'étais. Ah ouais. Ça, normalement, j'aurais été furax, mais bon, c'était toi, j'ai fait. Allez. T'es venu à vélo? Non, j'étais à pied, moi. Ah non, elle était sur le trottoir, elle l'a doublé. Je suis allé un peu trop loin, il fallait que je retourne en arrière. Je te juge pas, moi, une fois, Adrien, il m'a écrit en DM en me disant « Tu roules à contresens. » En vélo, il est venu. Et ma chérie, tu es à contresens. Mais bien oui. Bien sûr. Attends. Ça me régale. Attends. Qui était là un petit temps. T'étais à contresens. Oui, non, j'ai répondu à une story, c'est ça? Oui. Non, mais attends. Parce que tu te plaignais d'un truc. Tu disais, putain, les gens ils font le chier, nana. Et j'ai dit, en même temps, t'es à contresens. Ah oui, c'est pas pareil. Ah oui, ouais, oui. Oh là là, oh là ça, là. Ça, ça devait être une story privée, ça. Excusez-moi, je suis en train de vivre Anatomie d'une chute. J'avais des certitudes. Là, tout est mélangé, je ne sais plus. Non, tu te plaignais d'un truc et j'ai dit en même temps t'étais à contresens. Mais t'as fait, oui, la, oh, bon. Je peux dire, sur la story il y avait juste écrit je suis con comme un balai. Parce qu'en fait j'avais perdu mon vélo et je disais que je l'ai retrouvé, que j'étais con comme un balai. Et juste il m'a dit tu roules à contresens. Non, putain. Je te jure. Moi je crois Lisa. Je te jure. Bah, moi oui, je crois Lisa. Lèche-cuve. C'est parce qu'on se douche le soir. Non, on est ensemble. Ouais, c'est ça. Bah moi je crois de rien du coup, je suis dans cette. Ouais, parce que moi j'adore avoir one les qui écouteurs. Coulent. Donc, mais ceci dit, je trouve ça très étrange, les gens. En vélo, il y a vraiment des gens qui prennent la voie solo à contresens. C'est quand même très bizarre de faire ça. Parce mais on que, fait ce qu'on veut. Mais t'as le droit d'être sur la route en face. Pourquoi être sur cette voie-là? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah oui. Tu sais, des fois, j'ai pas compris. Bah, en gros, t'as une route à Paris. Ouais. T'as l'espèce de petit couloir vélo. Oui. Et parfois, des gens arrivent face à toi dans un truc couloir vélo qui est pour un vélo, donc c'est un peu ouais, flippant. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi les gens qui font ça, parce que souvent tu peux prendre la voie de voiture qui est dans l'autre sens. Bah oui, oui. Parce que le vélo, t'as le droit s'il n'y a pas de truc pour toi. Tu dis les termes. Voilà. Moi, je donc, pense... un petit coup de gueule que je tenais à partager ici. Bah, d'ailleurs, c'est le sujet de mon prochain sketch. Alors, vas-y. Alors je fais du test, ensuite test. Ouais. Il y a une rue à Paris. Ouais. Ok. Il y a une voie de vélo. Bah, ça ressemble beaucoup à ce que je viens de faire. Pour le moment, mais après je suis copie-comique, mais vas-y. Gling gling. Elle m'a chopé avec gling gling. T'as vérifié quoi sur ton téléphone, Adrien? En fait, comme j'ai pas la story d'origine, je peux pas savoir à quoi je. Je te la retrouverai. Oh, je l'adore. Mais alors, pourquoi une amende alors? Pourquoi une amende? Attends, et l'amende, elle était. L'amende est particulière. Un peu insolite. C'est insolite. Ok. On est dans le flot de cas, on aime l'insolite. C'était un excès de vitesse, mais c'est pas pour ça qu'il a reçu une amende, c'est ça? Si, il a reçu une amende pour un excès de vitesse. Mais l'amende est particulière. Elle est très très élevée. Alors elle est carrément élevée même. 1 million. 1 million 400 000 dollars d'amende. Et, mais c'est ça, c'est la réponse ou... C'est la réponse. Ah ok, d'accord. J'imagine vraiment le paradis. Plein d'amende. Oh miam miam miam miam. Ça sent bon. Oh oui. Sauf que, twist dans le twist, la les forceuses. Bah ça c'est votre duo comique par contre. Les forceuses, les forceuses. Amandes douces. Il y a eu les vamps, les bodins. Et là il y a les forceuses. Ça va. C'est à dire que cette amende, tu dis oui bon bah il y a eu une erreur, ça a été corrigé et tout. Donc non, excusez-moi, 1,4 million, je crois que vous êtes trompé. Non. Ils ont assumé. Alors c'est très étrange. Waouh. Le tribunal lui a il a téléphoné au Attends, tribunal. Tu dis que des flics n'ont pas assumé une erreur qu'ils ont faite. Allez, je me décancelle. Il a téléphoné pour dire excusez-moi, je crois qu'il y a une erreur, et les gens lui ont dit non, c'est pas une faute de frappe. Si vous payez le montant indiqué sur la contravention, les flics ils en font des fautes de frappe. Soit vous venez, oh là là, soit dans vous venez manifs, au tribunal le 21 décembre à 13h30. Selon le New York Post, qui relatait l'affaire ce lundi, il s'agissait finalement bien d'une erreur, évidemment. Mais le conducteur pressé devra tout de même passer devant le tribunal. Les super excès de vitesse, il est allé quand même très vite, hein, entraîne obligatoirement une comparution devant le tribunal, où le montant est alors déterminé. Donc de toute façon, il n'y avait pas d'amende à ce moment-là, puisque quand tu vas très très vite au-delà de la limitation, tu dois aller au tribunal. Okay. Effectivement, il a reçu plutôt une amende de 1000 dollars, ce qui est quand même beaucoup moins que 1 million. Mais beaucoup quand même. Ouais, mais il a été... sur enfin tu vois genre il était dopé. Parce qu'il était pas en voiture, il courait, le mec. C'était à 130, il était à 230 quoi. Donc c'est, tu te dis c'est beaucoup, c'est vraiment très dangereux. Oui, bien sûr. Et en même temps, pourquoi ils nous font des voitures qui vont aussi vite aussi? C'est une bonne question. Mais tu m'étonnes. Bah, pour doubler pour la sécurité. Non, c'est qu'en fait il y a moins, les limitations sont pas les mêmes. C'est pour ça que tout le monde veut des Mercedes en France, sauf que tu dis mais ça n'a aucun sens d'avoir des Mercedes en France, parce que la limitation elle est à 130 max. En Allemagne, tu peux aller jusqu'à 180 et plus. Mmh. Et des brouettes. Et donc, du coup, effectivement, t'as des Mercedes. Parce que je parle pour mes fous de bagnole. Je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter. On est ensemble, les fous de bagnole. Vroom, vroom. C'est quoi? Mais t'as les onomatopées de tout, en fait. Tous les véhicules. Ouais. Gling, gling, vroom, vroom. Une moto, par exemple. Ouais. Vroom. Oh là là. Et non, c'est breng, breng. Il y a une grenouille totalement folle qui nous l'a appris il y a des années. C'est quoi, vous, le plus gros délit que vous ayez fait? La grosse bêtise. Alors, plus gros délire, ça, je pourrais te dire. Ton délire c'est... génial, dont le web était dingue. Ça peut être des bêtises d'enfant. On n'est pas obligé de dire sur des trucs où vous risquez la tôle. Malheureusement, c'est sur Vine, on a porté plainte contre moi. Ah ouais? Vine. Pourquoi t'as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? C'est... couper à tout moment. Non. J'étais jeune et en fait. Tu roulais à contresens? Parce que c'était peut-être moi qui portais plainte. Non, j'avais une voisine en fait. J'habitais en rez-de-chaussée, il y avait une cour et j'avais une voisine qui, quand son gamin était chiant, ce qui était la plupart du temps, elle le laissait dans la cour. Elle l'enfermait dehors. Ah oui, elle avait tué le gosse, et je en fait, moi, il... Non, il montait sur les barreaux de ma fenêtre et il hurlait. C'était ma chambre. Ouais. Et effectivement, à l'époque, je filmais tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que j'ai filmé le gamin. Ah ouais. Je suis de ton côté. Je suis avec toi 100%. Mais je l'ai giflé sur non, la non, story. Et effectivement, je dis un truc un peu horrible. Ouais. Enfin, je le filme vraiment 2 secondes, tu le vois à peine. Tu le vois à peine. Mais pas tu l'insultes un petit peu. Et je l'insulte un petit peu, pas en face, il y avait juste la fenêtre. Bien et sûr. J'ai dit un truc genre, ta mère aurait dû t'avaler. Voilà, j'ai dit un truc comme ça. Un truc genre, tu veux dire exactement ça. Exactement ça. Et. Je sais pas, 6 mois après, je me reçois une convocation à la gendarmerie. Wow. Ah ouais. Et qui dit pas pourquoi. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Donc déjà, tu penses à tout ce que t'as fait d'illégal entre temps. Et toi, Dieu sait qu'à l'époque, t'étais un bouson noir. J'aime bien voler. T'as passé avec feu, donc. C'est pour ça, merde. Et non, et je me retrouve au commissariat. Et j'étais en stress total. Et ils me disent oui, vous connaissez Vin? Et là, je me dis, oh, il se trompe, c'est pas moi. Ouais. Il se trompe, c'est pas moi. C'est... Okay. Et je dis, pas du tout. Il me dit, si, si, Vin, je sais pas quoi. Et je mets, et je fais, ah, oh, Vine. Donc déjà, je le mets plus. Oh, excuse-moi. Oh, le ringard. Oh, déjà, Vine, ils ont TikTok. Et non, non, et en fait, j'avais des followers sur Vine. Ouais. Et en fait, ça a fini. Quelqu'un de la famille de ce gamin a fini par tomber sur le Vine. Ah bah ouais. Et ils ont porté plainte. Ouais, ce que je comprends. Et donc, ouais, j'ai dû retirer le Vine et m'excuser. Et tu t'es acquitté d'une amende ou pas? Non. Une amende douce, hein, bien sûr. Non, bah déjà, c'est ça. C'est déjà ça de prix. Non, mais c'est voilà. Ça, c'était une bonne bête. Ah ouais, c'est pas mal. Et c'est vraiment un voisin, parce qu'un voisin serait venu te voir. Et là, non. C'est non, dans le dos, comme tous les voisins. Tu ne vas jamais voir tes voisins. Tu le fais toujours un petit peu de côté. J'avoue, tu mets un mot dans la boîte aux lettres, tu dis retirez votre Vine, tu l'aurais fait. Je l'aurais totalement fait, j'aurais eu honte. Bien sûr. Est-ce que les toi, tu avais moins de 14 ans et lui plus de 14 ans? Lui, il avait, je pense, 5 ans. Et moi, j'avais 20 ans. C'est horrible. Je change complètement de regard sur toi, Alice. Ah ouais, moi, je suis de son côté, moi. Tu te dis peut-être que c'était pas à contre sens le vélo. Bichoun. Et quelle était la deuxième bah question? Bah oui, mais elle s'en prend pas à lui, elle s'en prend à la mère. Oui. Non, ouais, mais elle lui dit. Mais je lui ai pas dit devant lui. Il y avait une fenêtre, certes, mais quand même. Bah, il comprend pas, je l'ai pas dit. Je sais pas, moi ça me choque pas. Moi, elle était jeune. Non, mais la mère elle laisse son gosse. Ah, on oublie le fait que la mère elle laisse son gosse. Oui, mais du coup. C'est ça le problème. Ça, c'est horrible. Mais du coup, t'appelles les services sociaux, tu te fous pas de la gueule du gamin. Mais elle se fout pas de la gueule du gamin, elle se fout de la gueule de la mère. Ouais. Ouais, c'est le gamin qui t'énerve. Ta mère aurait dû t'avaler, c'est à lui qu'elle en veut, elle veut qu'il n'existe pas, genre. Ouais, je vois où tu veux en venir. Non, pour moi, elle aurait dû t'avaler si elle n'est pas capable de s'occuper de toi. Oui. Ouais. Putain, le sous-texte. Est... C'est là où tu voulais en venir, bien sûr, Lisa. Oui. Après, il y a des gosses horribles, quoi. Ouais. C'est... Ça arrive. Ils ont une personnalité, les enfants. Et parfois, cette personnalité est diabolique. Aïe, aïe, voilà. Mais il y avait cette phrase sur le procès verbal, quand même, de ta mère aurait dû t'avaler. Et juste après, les relations entre voisinage excellentes. J'imagine. Mais elles étaient déjà mauvaises. Une fois, j'avais oublié mes clés, j'avais laissé mes courses dans la cour. Et tu sais, elle les avait mis en passif agressif, elle les avait remis sur mon paillasson. Ah oui, parce qu'un enfant, oui, mais des courses, quand même, faut pas exagérer. Quoi. Non, mais c'était vraiment je peux très... faire ça, je peux malheureusement faire ça. Je peux pas... De quoi? Les courses dans la cour, je les mets devant le paillasson de la dame. Ah, j'en suis capable. T'es une belle merde. Alors, moi, je suis pas un très bon voisin. Je suis une pire. Alors, moi, côté Lisa, insulter l'enfant. Je vais vous dire la vérité. Moi, je pense que je suis un super voisin, dans le sens où je fais chier personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fête, il n'y a pas de musique, il y a les poubelles. T'as un enfant qui pleure. Mais pas du tout. Ah, c'est vrai? Ah, mais attends, mais l'enfant est côté rue, déjà, et ça a été réfléchi pour ça. Okay. Et l'enfant est adorable. L'enfant a fait ses nuits au bout d'un mois, l'enfant ne pleure ça, jamais. Ça, c'est de la chance, c'est de la pure chance. C'est une éducation plutôt parfaite. C'est de la chance. Je salue Samuel sur Instagram. Je suis un père parfait. Et du coup, effectivement, je suis un peu tatillon avec mes voisins et voire même en stress, moi, tu vois. Quand je vois là, il y a eu des nouveaux voisins, ils étaient jeunes, j'ai été angoissé. Je me suis dit, il va y avoir des la fiesta. Mais vraiment, je suis un vieux monsieur. Et après, j'ai énormément de chance, tout le monde est adorable. Donc en fait, j'ai très bonne relation avec mes voisins parce que tout le monde respecte tout le monde et c'est super cool. Donc c'est un peu l'immeuble du bonheur. Je pense qu'on devrait te montrer aux gens qui viennent pour les JO. En fait, Paris, c'est ça. Mais prenez des bouts de moi pour mettre dans des médailles parce que franchement. Tu devrais porter la flamme. Ouais, c'est ça, exactement. Oh, d'ailleurs, Patrick Beau va porter la flamme olympique. Je sais pas si vous avez appris ça, d'Axolot. Non, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Il est super. Moi, je l'adore. Il le mérite. Je l'adore. Il le mérite tout. Il mérite tout le bonheur du monde. Et que quelqu'un vous tend la main. Oh, toi, t'as écouté. J'ai surtout fait une choré quand j'étais en primaire là-dessus. On se tenait tous les mains. Pire que le Vine de. Moi, j'aurais porté plainte, mais après. Moi, je t'aurais filmé en disant. Hey, ta daronne, elle aurait dû t'avaler ou quoi, Marie? C'est milliard. Le message de la chanson, c'est l'inverse. Grosse bêtise, Marie. Qu'est-ce qu'elle est là, une connerie que t'as faite? Ouais, écoute, moi je suis une. S'il te plaît, fais pire, fais pire. Une énorme baiser, comme on dit. J'ai déjà pas tout scanné au Monop. Et volé. Oh, bah. Des conseils dans le métro. Intentionnellement. Bien sûr. Ah, oui, j'appelle ça faire un petit geste commercial. Parce que je considère que, oui, quand j'étais dans des boutiques, des machins, des trucs, je prenais toujours un petit truc facile à voler en me disant, bah, je vais dépenser 25 balles. Autant que je prenne un petit truc en plus. Quoi. Les pignons de pain que tu fais passer en avoine, hein, flocons d'avoine, à la petite balance. Ah mais je suis pas encore à ça. Elle vole vraiment. Moi je suis un peu plus. C'est fou. Ouais, mais c'est volé aussi, hein, ça. Oui. Ça, mais moi ça j'ai un peu triché. un peu triché. De... Tu payes à moitié quoi. Oui, voilà, oh, c'est ça. J'ai cliqué sur le mauvais bouton, ça va exprès. Moi j'ai mis qu'il y avait qu'une banane au moment de peser, en fait il y en a 6. Oh, voilà, non, mais, voilà, c'est, voilà. Mais plus je vieillis, plus j'arrive pas à le faire. Enfin, genre, je me suis déjà fait choper une fois et j'ai fait plus jamais. Plus jamais. Oh, Emilien, tu t'es fait choper où? Dans un monop, dans le 19ème. Et rue de la Villette, je sais plus le nom de la rue, mais en haut de la rue de Crimée, là où il y a place des fêtes. Si vous voulez y aller pour déposer un cierge, quelque chose, voilà, bon. C'est important qu'on mette l'adresse exacte. Ah oui, place des fêtes, je vois bien. Place des fiestas pour les intimes. Très grand, pour les dingos. Très grand monoprix. Très grand monoprix et très beau marché d'ailleurs, donc ouais. Pourquoi aller au monop en fait. Si je peux me permettre. Petite leçon de vie que tu t'es pris. Une petite claque. Et depuis, je suis en no-nut. Est-ce que t'as eu honte? Comment? T'as eu honte? J'ai eu honte. T'as pleuré? Non, parce que quand même, j'ai des émotions bien rentrées à l'intérieur de moi. Mais par contre, j'ai eu honte et j'ai fait ah ouais, c'est vrai que j'ai deux t'as avocats assumé. Et pas un. T'as assumé ou t'as fait ah mais je sais pas du tout comment c'est. Non, parce qu'en plus, je me suis même pas fait choper en mode, ouais. En mode ah, vous avez volé ou quoi. Je me suis fait choper en mode vous avez pas tout scanné. Et j'ai fait ah oui, c'est vrai. Ah donc, c'est... ça va, ah mais tranquille. Donc c'est... oui, mais elle a vu quoi que je ah, me oui. scannais pas. Ah oui, d'accord. Ah, yeah, d'accord. Ouais. Bon. Moi récemment, j'ai vraiment. Je suis redevenu un bébé. Ok. On est allé. Il paye une femme pour chier dans ma couche. J'ai tout simplement chié dans ma couche. Il paye une femme pour le torcher. Insulte-le, toi qui adore insulter les bébés. Je me retiens. Je suis allé au cinéma avec deux amis que j'embrasse, Léopold et JB. Et c'était entre midi et deux. Et on s'est dit, oh, on va se prendre des petits sandwichs et les manger au cinéma. Sauf que t'as pas trop le droit de faire ça. C'est pas bien vu de prendre des petits sandwichs au cinéma. Avec le bon bruit du papier là. Non, mais il y avait personne entre midi et deux. Personne. Vous et étiez donc, trois dans la salle. La salle était blindée. Voilà. Donc, on rentre et en fait maintenant, sachez, il y a des agents de sécu partout, dans tous les trucs, ouais. Y compris les cinémas. Et donc il y a monsieur, il y a quoi dans le sac? Et donc on mange les sandwichs. Attends, ils te font ouvrir ton sac? Ouais, parce que t'as cinéma. Pas le droit d'emmener de la bouffe extérieure. Voilà. Putain, je le paye vraiment pour rien. C'est pas sujet, c'est. Hein. j'ai pas vu. Hein. Et donc on ouvre le sac. Et j'embrasse JB de Test for the Click. Le gars regarde, il fait ah, il y a des sandwichs. Vous avez pas le droit de les manger dans la salle. Hein. Et JB a fait Non, on va les manger ce soir. Waouh, quel génie. Et je vois qu'il rentre pas, je fais ah bah vous embêtez pas les gars. Moi bon, j'assume, je fais ah bah on a pas le droit de manger dans la salle. Bah viens, on va les manger devant le ciné quoi. Donc du coup, même le mytho de JB était devenu mignon. Absolument ridicule. Oh les ados de merde. Et vraiment des ados de merde. Vraiment des ados de merde. Mais en vrai, ils ont raison. Moi je me suis fait tâche d'un ciné parce que j'ai bouffé un McDo. Mais putain, dans un McDo, c'est vénère. McDo, c'est vénère. Non, j'étais jeune. C'était avant Vine. C'est pour te dire. Ouais, d'accord. Donc de 18 à 19, elle bouffe des domas qui puent dans les trucs. Après, l'insulte dégueule. C'est comme Pyjama qui bouffe des croque-monsieur au cinéma avec son pote là. Ah, mais putain, mais je me casse en fait. C'est quoi cette France? Mais moi, je cancelle Pyjama. Pauline de Tarragon, viens voir, on va se méta. Non, mais les sandwichs, ça sent pas vraiment un jambon beurre, ça ne sent rien. Arrêtez, mais ça fait du bruit, le non, mais papier, ça fait le bruit, non, ouais. Pas du bruit, parce que tu l'enlèves du papier, miette. Tu le manges. Ça miette, ça, je suis assez d'accord. Mais ça miette pas beaucoup plus que du pop-corn, écoutez. Oui, non, mais par contre, le pop-corn, pareil, je suis pas. Ouais. Je comprends mais écoute, pour l'économie du blabla, mais. C'est... l'économie du blabla. Le cinoche. C'est ta BD, c'est une. L'économie du blabla. L'économie du blabla. 290 pages. Un délit, Adrien, attends. Mais je crois qu'on avait déjà posé rien, la question, il n'y avait pas grand chose. Rien, ouais. On avait déjà abordé le sujet. J'ai avec. Très peu trépidante. Après, ouais, frapper un gosse, ça a dû arriver. T'en parles pas encore tout de suite, mais dans 5-6 ans. Il est en équipe de France maintenant, grâce à moi. Donc, Tu viens de comprendre. Un classement est sorti. Ah non, vous savez quoi, j'ai autre chose. Oh, non, je vais aller là-dessus plutôt. Dans une enquête menée par l'IFOP et Lelo, je sais que ça connaît Lelo. Le rappeur de... Non. Le Vibro. Ça je connais bien. Du 14 au 15 en 2023, 1235 personnes ont dévoilé leurs rêves les plus osés, révélant des préférences parfois inattendues et des lieux pour le moins insolites. Quels sont les 5 alors, endroits attends, rêve, on parle de fantasmes. Fantasmes, exactement. Okay. Quels sont les 5 endroits dans lesquels les Français fantasment le plus? Bah, cinéma déjà. L'amour. Justement. Le cinéma n'y est pas. L'avion? Pas l'avion. Ah, quelle horreur! Ah, c'est des lieux, on l'a c'est fait. Des lieux, c'est des lieux, c'est des lieux. Tout simplement un quelle parc. Horreur, excusez-moi, j'ai juste une question. Quelle horreur l'avion? Pourquoi? Bah des chiottes d'avion, c'est dégueulasse. C'est tout à oui, fait mais ça. C'est pour se taper la. Ah là, l'hôtesse de l'air. C'est l'hôtesse de l'air dans l'avion. Ou d'accord. Alors c'est le fait de partir en ah voyage. Non, mais non, c'est, pour le, moi, c'est, dans c'est le Mile High Club. Ah c'est oui, quoi, le ciel, t'as raison, c'est ça. Ben le non, si je crois que c'est ça le nom, Mile High Club, c'est genre le club des gens qui ont baisé dans l'avion quoi. Ah ok, il y a un club et tout. Bah c'est un club, c'est genre c'est. Oui oui, non, j'imagine qu'il y a pas, ouais, ouais, pas un tampon, ouais, une carte. Le Lions. Vous avez réussi à baiser pendant ce courrier. Et je peux passer en priorité. Je vais juste masturber sous le couette, ça va. J'ai moins 10% au relais. Bon, ça cool quand même. Non mais donc il y a un vrai délire. Ah il y a un délire. Oui mais moi je pense que c'est le 7ème ciel, tu vois, c'est genre. T'as raison, c'est déjà des chiottes. Et il y a un truc aussi où tu peux pas te faire virer quoi. C'est à dire que bon bah une fois que t'as baisé dans l'avion, tu vas t'atterris et c'est terminé. Non mais tu prends des amandes douces par contre. À l'atterrissage, oui, et puis il y a quand même un truc un peu humiliant, quoi. Oh, t'as baisé quand même. T'as baisé, hein, t'es. Eh, pas mal quand même. Moi, je trouve pas ça humiliant. Moi, je pense des applauses comme avec le, le mec qui. Le commandant de bord. Voilà. Ouais, vraiment un slow clap. Un peu jaloux, un slow clap jaloux, tu sais. Ouais, bah, je crois que moi, ça me gêne. Moi, ah ça ouais, me ça gêne. Ça me gêne. Genre, le que des gens ils aient baisé pas loin de moi pendant que j'étais en train de bouffer du tarama, je suis un peu là genre genre ça me gêne. Mais si tu bouffes pas de tarama, là tout va mieux. Là donc je félicite. Tarama, en fait, putain, c'est donc ça. Là tout va mieux. Qui normalement n'est pas rose. Il y a du nitrite ou quoi? Ils ont baisé dans les chiottes. Qui, pardon? Ah, dans le fantasme. Tes amis? Non, ah, non, mes amis, là. Non, pas dans les chiottes. La Tour Eiffel. Non, pas dans les chiottes. Alors la Tour Eiffel n'est pas un fantasme, non. La plage. Pas la plage. Mais un parc. Pas un parc. La piscine. Alors pas la piscine, mais il y a un truc pas loin. Il y a un truc d'eau. Un jacuzzi. Une cabine d'essayage. Pas une cabine d'essayage. Oh, j'ai pensé aussi ça. Un jacuzzi. Mais ils veulent baiser. Alors, où jacuzzi, je te l'accorde. Un bain remous. Sauna hammam. Pas exactement jacuzzi, donc pas dans l'eau. Mais t'étouffes. Mais c'est ce que je me suis dit aussi. T'étouffes et puis surtout t'as. Oh là, il est 1000 personnes qui sont passées avant partagé toi. Partagé par 53% des moins de 35 ans contre 43% des plus de 50 ans. Non. Ces espaces de détente deviennent des lieux de fantasmes intenses. Et sauna et hammam, c'est pas tout à fait la même chose. Non, parce après, qu'il y a des lieux, il y a des vrais lieux dans Paris où ça baisse dans des saunas hammam. Enfin, c'est pas ouais. Quoi. Ah ouais. Non, mais moi, j'ai fait sauna et hammam récemment. Juste être assis, j'étais vraiment à deux doigts de m'évanouir juste en ne faisant rien, quoi. Et moi, Dieu sait. Baiser, c'est terminé, quoi. Après, je prends la douche. Moi, c'est le côté rouge. Ouais. Moi, dans les hammams, oui. Je suis rouge et carrément. Mais la lumière, elle est un peu tamisée dans les trucs. Ouais, mais. Bon, voilà. Écoutez, pardon, vous avez des critères, apparemment. Il faut que les gens aient une peau parfaite pour vous baiser. Moi, si t'es rougeau, que tu pues la sueur, c'est ok pour moi. Mais si tu te laves pardon, le matin et pas le soir, let's go. On bouge après, bien sûr. Ah, mais le jacuzzi, ça me dégoûte pas. Non, il n'y a pas jacuzzi, pardon. Il n'y a pas jacuzzi. C'est sauna ou hammam. Je le dis, juste. Mais cela dit, piscine aussi. Moi, ça... Mais en fait, dans l'eau. Non, en plus, ça fait un effet ventouse. Tu peux rester coincé, mon gars. Ouais. Moi j'avais fait dans la mer et puis ça pique. Ah ouais. J'avais 18 ans. Le sable, bah ouais. Très désagréable. Ah ouais, pareil, j'ai fait aussi le sable, ouais. Ça dans non, le cul là. Je... Nul. Moi dans de l'amiante, j'avais fait. Dans de l'anthrax. Dégueulasse. Bon putain, donc. La forêt, le bois. Pas la forêt, le bois. Bah, étonnant. Putain, mais bah, attends, ouais, non, mais c'est où là? Il y en a 5 à trouver. Il y en a 5 à trouver. C'est des lieux publics. On enlève Amman, soda. C'est que des lieux publics? Non. Est-ce que, oui, c'est ça, c'est dans le genre dans la cuisine. Alors, il n'y a pas dans la cuisine. Un rooftop. Pas le rooftop. Sur le toit. Ouais. Le balcon. J'avais, ouais. Je suis bilingue. Hein, oui, le balcon. Non, c'est pour les auditeurs. T'as raison. Pas le balcon. Ah, la table, une table du salon. Alors, pas une table du salon, mais c'est vrai qu'il y en a un, par exemple. Le bureau. Alors, il y a ça. Mais tu vois, c'est particulier, le bureau à une heure tardive. Ouais. Donc, c'est un petit peu genre ah, quand tout le monde est parti. Okay. Voilà. Okay, d'accord. L'association entre professionnalisme et intimité trouve son apogée dans le fantasme de faire l'amour dans un bureau à une heure tardive, attirant 14% des personnes interrogées, illustrant ainsi une fascination pour les rencontres secrètes, nous dit le sondage. Ok, d'accord. J'ai pris une petite voix. Ascenseur. Pas la Calogéro. Ah, c'est ce que racontent les paroles. Hein. Bah oui, ouais, bah, bien sûr. Ouais. Le clip. Ouais. Avec immense. Mélanie Doutet. Mais oui, et oui, arrête, mais oui, bien sûr, bien sûr. Et Mel les mains de Marie de Brouwer. Le bruit qu'il avait fait sur les boutons le visage de Mélanie. Mélanie Doute, t'es hop là. Je faisais son. J'ai déjà fait ça, doublage main. Ah ouais, t'es mannequin main. Non, je suis pas mannequin main. Mais je pourrais d'ailleurs. Moitié. Je suis comme moitié journaliste. Et docteur. Et figurante des Chirac. Mais non, mais c'était pour justement un clip. Ils avaient besoin de mains charnues pour faire les mêmes mains que la meuf dans le clip. Et je leur ai dit, bah ouais, mais moi j'ai des ongles de 200 mètres. Genre, ouais. Et ils ont fait, ils trouvaient tellement pas de gros qu'ils ont fait, on paye que tu les enlèves et que tu les remettes. Wow. Avec ton parce que j'ai dit, frère, ça me coûte 50 balles. Moi, si je les enlève, tu me les repayes. Ouais. Pour juste faire un remplacement de main, ouais. Chiant, tu vois. Et du coup, j'ai fait doublage main, demi-journée de tournage. Pourquoi j'ai... Écoutez, on avait besoin de faire 16 heures. Il y a un CV qui est. Il y a un CV. Putain, mais en fait, il y a mes mains dans tous les clips. Putain, vous faites pause dans tous les clips. Il y a mon visage dans d'autres clips. Hein. Un docu Netflix. Donc, oui, bureau à heure tardive. Ça, c'est les deux moins, dites-vous. Les trois autres sont au-dessus. Les trois autres sont plus. plébiscité. Un hôtel. Pas hôtel. Putain. C'est un peu. C'est pas un fantasme. C'est boring, mais bon, ils ont l'air boring ces gens. Bah... Ouais, ouais. En vrai, un petit peu. Y a, les réponses sont pas dingos. Dans la lèche conjugale. Le top 1 est un peu surprenant quand même. Top 1 va vous surprendre. L'hôpital. Pas l'hôpital. C'est vrai que ce serait surprenant. Ah là, ce serait. Bah non, avec le fantasme de l'infirmière. Ah. Le cercueil de Patrick. Se frotter là. Se frotter sur la bosse. Mais entre. Parce qu'on se moque. Mais évidemment que ce serait un rêve qu'il y ait ce cercueil. Moi j'espère qu'il va aller jusqu'au bout. Il y a la mort de Patrick Sassin, il y a tout le monde, il y aura tout le paf. Et là il y a ce cercueil avec une énorme. J'espère. Moi, évidemment qu'il faut qu'il aille au bout. Ça me ferait plaisir, moi. Là t'as fait un geste, genre la bite était en train de bander, tu vois, sur le cercueil. Bah, j'ose espérer que la bite bandera. Bah, il va tu mettre penses un que ce serait genre Pinocchio. Enfin, mais bien sûr. Un cercueil Pinocchio. Ah, vous pensez que c'est juste un petit rondin comme ça pour faire genre bite? Non, une bosse quoi. Un dodane quoi. Non, pour moi c'est Pinocchio. Pour moi il va vraiment aller. Pour moi, tu sais quoi? Tu veux savoir mon rêve? Le bout de la bite en bois dépasse un peu de la terre. De la bite en bois, mais bah, qu'est-ce que tu racontes? Du cercueil. Ah oui, d'accord. Tu vois, la bosse du cercueil dépasse un peu de la terre et on peut mettre, tu sais, comme au Père Lachaise, des petites bougies, des petits trucs. Bah, qui la bosse, la bosse à patoche. Qui les bosse? Ce sera malheureusement le titre, hein, la bosse à patoche. La bosse à patoche. Malheureusement, c'est le titre de l'épisode. Avec une toute petite pierre tombale juste pour la table. Ouais, bah, la bosse. Avec des, tu mets des petites couronnes de fleurs. Sur la bite. Oh, okay, j'aime bien. De tout. Et tu peux jouer comme ça. Tu la jettes. Ok, j'aime bien. C'est devenu une kermesse. Patrick, fais-le. Et en même temps, est-ce qu'il a pas envie que sa vie, sa mort soit une kermesse? Magnifique kermesse. Ah, la voiture. Putain. La voiture, pardon. Pas la voiture. Je suis encore dans le jeu. Ah, mais non, ouais, le Uber. Pas le Uber, mais il y a un moyen de transport. Le bus, le train. Le train. Ah, le train. Allez, ah, ouais. Les, mais les chiottes du Ouigo, c'est pire. C'est les pires, les chiottes du Ouigo. Avec l'odeur des trucs chimiques là. Ouais. Oh là là. Mais enfin, une populaire opinion, les lieux insolites, ah, pas un endroit. Pareil, moi, pas un lit. Jamais compris. Un lit, vraiment. Génial. Ouais. Pour moi. Un lit, même si possible, queen, voire king size, avec de la place. Bien pour sûr. Bien être loin là, après. Ouais. Bien sûr, mais évidemment. Pour pas rester collé, transparent. Moi, un lit est seul. Parfait pour moi. No fat, no less. Ouais. Si, je vais pour le coup. Non, mais ouais. Oui, non, moi, je suis pas du tout là-dedans non plus. Je... Ouais, mais déjà, avoir envie ailleurs. Que dans une chambre, ça m'arrive pas trop quoi. Ouais, je me dis pas genre ouais. Là je suis à la plage, oh, trop envie de baiser. Genre bah non, là moi il y a pas de lieu, jouer au frisbee, frère, faire bronzette. Ouais. Moi mais je vais lire un petit Marc Lévy. Voilà, tranquillement. Guillaume Musson, mais pourquoi s'embêter? Je vais même dire, il y a un côté ringard à dire oh un lieu un petit peu ça a fait un peu genre ouais ringard quoi. Non mais tu le fais jeune, tu le fais jeune pour te dire que t'as fait des trucs. Pour moi c'est un truc de justement de quinca quoi. Un peu genre dis donc, c'est parce que j'ai fait le week-end dernier. Genre c'est comme tu sais un plumeau quoi. C'est genre avoir un plumeau au lit quoi. Baiser sur une plage c'est comme un plumeau. C'est ça, ça que j'ai envie de dire, bien sûr. Mais j'ai une pote qui a un kiff sur les lieux très très beaux. C'est-à-dire que les endroits où tu fais une rando et il y a son père et là tu fais du sexe et oui, je me suis branlé dans une forêt. Et... mais voilà, donc tu connais en fait. Qui est une chanson de Cabrel. Mais c'était pas parce que c'était beau, c'est juste parce que. Est-ce qu'il y avait une cabane aussi? Attends, juste parce que je. Je sais pas, c'était. Une envie, une envie soudaine. Non mais en plus je crois que j'étais en vacances en famille donc pas forcément évident de se branler dans ces contextes-là. Tu sais quoi, je vais faire une rando. Je suis allé promener, j'ai fait bon bah. Est-ce que t'as fait un câlin à un arbre pour prendre ses énergies? Non. Il y avait un soin de la table, tu fais bien. Il y avait un chérubin dans l'arbre. Non, il y avait soin de la table. Il y avait juste. C'était c'est très bizarre. Vraiment des harceleurs. C'est non, ouais. il y avait juste un écureuil qui fait. Qu'est-ce que tu fais? C'est chez moi. Je suis en train de bouffer en fait. Là. Je suis en train de bouffer là. Qu'est-ce que tu fais? Bah lui il est pas en no-nut du coup. Oh là là là. On est en train d'écrire un Pixar un peu étrange mais un Pixar quand même. Donc oui le Pixard. Oh là là. J'ai pas. Hard. Ah oui, oui. Ah, ouais, bien sûr. Il n'en manque plus que deux. Ok. Je vous en donne un. Non. À une fête de mariage. Mais moi, il y a un truc pathétique, je trouve. Non, mais d'être excité parce qu'il y a d'autres gens qui se marient. Il y a un côté, mais vie ta vie. Est-ce que c'est pas juste l'aspect fête? Il y a non, de l'alcool. C'est la fête. Voilà. Pourquoi, oui, mais pourquoi une fête de mariage spécialement? Parce que c'est particulier en vrai. Tu te tapes Je vous ai insulté. Je vois bien. Déjà, des fêtes où tu restes dormir sur place et tu bouffes tous le lendemain, c'est pas toutes les fêtes. Enfin, personnellement. Ouais. Tu restes dormir sur place? Un mariage? Beaucoup de mariages font ça, j'ai remarqué. Si t'es proche des gens, oui, tu restes. Je me casse à chaque fois. Ah oui, d'accord. Mais là, souvent, ils proposent. Non, mais ne niez pas qu'il y a un côté, c'est parce que c'est un mariage. Dites pas, oh, c'est parce que tu dors là, sur place et tout. C'est parce que c'est un mariage. Oui, d'accord, oui, ok. Mais surtout, tu tu déconnes, mais les mariages, c'est quand même un endroit où tu fais des rencontres que tu fais jamais en dehors des mariages. Il y a beaucoup de gens qui se croisent. Non, mais dans les fêtes de mariage, c'est un peu. Ils font les tables de célib, d'ailleurs, c'est bâtard. C'est la table des enfants, la table des célib. La table des baiseurs aussi, maintenant, ils font. On est que du. Non, non, je voulais choisir. C'est vrai que tu peux croiser des gens que tu ne recroiseras jamais. Souvent, les amis de mariés et les amis de. Enfin, tu vois, c'est des. Les cousins, qu'est-ce que t'en as à foutre des cousins? C'est ça. C'est le quoi? Non, non, les cousins avec des inconnus. Les cousins, les cousins de la mariée, tu les connais Oui, c'est le côté coup d'un soir à un mariage. Quoi. Exactement. Exactement. Mais effectivement, le côté il y a de l'amour dans l'air, je pense que ça joue un petit peu quand même. Oui, oui. Genre, c'est pas du tout un truc. Il y a un peu de ça. Quand il y a un mariage. Si, mais je pense que t'as raison. Vous m'aurez tout le monde est trop bien habillé. Vous allez pas me cancel. C'est vrai que tout le monde est très bien habillé aussi. Un mec en costard, c'est. Non, mais un mariage, tout le monde est quoi. Ça peut, ça peut. Ah oui. On en revient chez les ringards. C'est vrai. Et bah, ok, j'ai jamais baisé à un mariage, mais je défends le truc de ouf. Parce que comme je suis célib, je suis dans la chambre où il y a qu'un tout petit lit de merde. Super. Bah non, mais on t'a mis avec, regarde, il y a tous les célibs qui dorment là, il y a 5 lits. Mais baiser, putain, baiser. C'est ce qui nous est arrivé la dernière fois un week-end, on a fini par dormir. Ouais, on n'a pas baisé. Non, je suis juste tombé malade pendant un mois et demi. C'est vrai. Voilà. Sans baiser en plus. Ce qui est moins bien que baiser, faut le dire. C'est beaucoup moins bien que baiser. C'est vrai que les couples avaient les chambres et du coup on s'est retrouvé avec Adrien sur des. Dans un couloir sur des matelas gonflables. Dans nos sacs de couchage. Et alors, oui, il faut préciser que c'était dans un château. Un château, un mec qui avait un château. Mais alors, j'espère qu'il nous écoute pas, mais pas très bien entretenu. Non, il y avait des châteaux, vitres cassées. Les châteaux, c'est pas isolé, de toute façon, c'est une cata. Et bien toutes sûr. Les pièces n'étaient pas chauffées. Classe énergétique G. Quoi? Toute classe énergétique très mauvaise. Bien sûr. Surtout ce couloir dans lequel on dormait qui n'était pas chauffé, hein, du coup. Non, moi je râle, mais j'ai bien dormi sur ce. Avec Adrien, comme ça, avec sa petite lampe, il a une petite lampe là. Un petit gadget. Il avait un sac de couchage, tu sais, avec des ouvertures aux bras et aux jambes. Ah, ça c'est top. Qu'est-ce qu'il est bien équipé. Comme un gros bébé. Bah, vu que je me lève pour aller pisser, je peux garder mon sac de couchage. Et il ouvre au niveau de que la je tête. Porte. C'est un body en fait. C'est un body de bébé. Une grenouillère. Un oui. Grenouillère. Pas du tout. C'est un sac de couchage. Il est génial. C'est très cher. Tu peux le porter comme une doudoune aussi. C'est génial. Non, non, mais franchement, il était beau. C'est jaune. Mais pour attends, vous donner la couleur, attendez, pour vous imaginer. C'est ça surtout. Parce petit que coussin. Ne le croyez pas, je me moque un peu, on va pas se mentir, mais je sais que c'est toujours fait avec goût. C'est-à-dire que tu vas pas acheter un gadget si en plus, s'il est moche. Il peut pas être que pratique. Il y a toujours un petit truc. Faut voir. Non, ça mais dépend, je te coque un petit peu. Il a passé 3 mois à tout comparer avant. Bah, c'est déjà, ça, en plus. Pas, voilà. Du tout, pas du tout. Là, pour le coup, j'ai fait. Oh, bah, oh, oh. Ah ouais, un coup de tête. Ah ouais, putain. Est-ce que je peux vape un peu ou pas? Mais bien sûr, sûr que tu peux vape, y a aucun problème, le bébé vape, n'est pas là. Vape, tu peux vape là, tant que tu vapes pas dans le micro, tout bien va bien. Sûr. Parce qu'on n'est pas sur Twitch, on vape pas dans les micros. Juste, moi, le bruit, je dis pas ça pour toi, mais le bruit de la vape, quand ça fait vraiment du... Ça me dégoûte. Ah, moi ça me dérange pas. Ah ouais, je suis le seul. Mignon. Ah, moi ça me dégoûte. Moi je vais te dire un truc même, quand, la vape... Le bruit de liquide qui fait... Ah ouais. Non, moi ça va, moi j'aime les screamers, bien. Là, mais quand dans l'eau le elle boue avant les pattes, non. Ça, excellent, ASMR pour moi. Surtout que je sais que je vais me régaler, donc c'est bon. Mais les streamers là qui vapent bien dans le micro et ça fait. Et qu'on des 4x4 à la place des vapotes. Oui, ils les prennent comme ça à pleine main, ils tirent comme des forcenés. Ça fait mais je sais que c'est moi, mais j'essaie de trouver. Moi c'est marrant. Ce bruit me dégoûte spécifiquement. Je ne vape pas, mais j'adore l'odeur et le bruit. C'est un truc, je sais pas, je trouve ça assez agréable. L'odeur, c'est vraiment. Ça dépend. C'est goût quoi? Moi là, c'est goût cassis frais. Bah ça m'énerve. Cassis frais. Ça, oui. Pourquoi ça t'énerve? Bah tu fumais du cassis avant. La vapoteuse, non, c'était pour remplacer pas. La cigarette. Calme-toi. Et excusez-moi. Maintenant, Pascal on a des Pro, goûts. Là. Mais allô. Allô. Allô oui. Le monde. Genre, donc, c'est ça, la puriste de la clope quoi. Oui allô Marie. Oui allô. Oui. Salut Lisa. Ouais, c'était pour te dire en fait, je prends quel goût que je veux en fait. Ah mais oui c'est vrai. Pourquoi tu prends pas amande douce? Oh. Putain, ça existe sûrement. Bah, évidemment, il y a tous les trucs. Ah ouais. Oh là putain. Elle va chialer devant nous. Elle va chialer. Bon, je te fais des bisous Marie, bisous. Je vous demande le dernier. Le dernier endroit qui est en fait particulier, qui est pas un nom. Enfin, il y a un endroit qui appartient à quelqu'un et c'est ça qui est un peu excitant. Non. Le palais de l'Elysée. Non. Ah, chez des amis? Chez des potes, ouais. Non, mais on se rapproche, chez quelqu'un. On est chez tes parents. On est presque le. Chez ton père. Non. Chez les frères et sœurs. Pas chez les parents, chez. La famille. Les grands-parents. Les voisins. Chez les. Grands-parents? Non, mais il y a le mot parents. Les petits. Chez les beaux-parents. Les beaux-parents. C'est très genre. Ah là, il y a un truc bizarre. Je baise ta fille. Ouais, j'allais. Sous ton toit, quoi. Ou l'inverse, je baise ton fils. Il y a un truc. Si les beaux-parents s'imposent comme une figure étonnamment courante dans les fantasmes les plus pourris. Ah bah oui, sur nos ports, il y en a plein. Avec 60% des Français ayant concrétisé cette envie, seulement 37% l'avaient rêvé au préalable. Ah putain, mais il bip ton plus, ton truc. Non. Ça a fait un bip là, non? Oui, mais c'était pas moi. Ça fait des interférences. Il y a eu un bip, mais c'était pas moi. C'est un téléphone, c'est le banquier d'apprendre où elle est. Il veut nous propose d'échanger notre boîte. Non. Non, non, non. Donc ouais, chez les beaux-parents. Oh, chez les beaux-parents, c'est horrible. Non. No king shame. Non, bien sûr. No nuts. Mais j'ai du mal. Life. Mais on peut encore juger. C'est particulier. Est-ce qu'on peut encore juger les trucs, merde. Ah, non, c'est tellement bien. Ils veulent coucher avec les beaux-parents. Non, non, non, non. Chez les beaux-parents. Chez les beaux-parents. D'accord. Non, non, je veux pas baiser les beaux-parents. Je veux juste baiser chez eux, juste à côté d'eux. Dans leur lit. Branle ton beau-père directement. Au lieu de faire genre, non, non, rien à voir. Il y a pas un truc d'ado, justement. Est-ce qu'il y a pas un truc un peu comme quand t'es jeune, de oulala, faut pas qu'on se fasse entendre, tu vois, faut pas qu'on se fasse remarquer, etc., etc. Moi j'ai l'impression que c'est ça, tu vois, c'est retrouver un peu cette jeunesse perdue. Adrien, regarde-moi dans les yeux. Moi ça me fait penser aux paroles de Diams dans Jeune Demoiselle où elle dit un peu de mon ex mélangé à mon père. Oui, je suis pas d'accord du tout. Ouais, étrange. Si c'est un ex et un ex, c'est ton père. Enfin, non, ouais. Bah non. Ouais, c'est un gens. Mélange de mon ex et de mon père. Franchement, un dictateur, je pense. Un dictateur un peu passif. Mais il y a deux, trois, serait pas présent en eux. Ça fait déjà 1h30 qu'on parle. Oh, qu'est-ce qu'on est tchatcheur. Bah, ça tchatche, ça tchatche. Oh, la meuf, elle casse son podcast. Meuf horrible. Marie de Berre. Oh là là, c'est comme si on était dans une bonne auberge où on discute là. Ouais. C'est vrai qu'on dirait trop ça. On est un peu une famille, nous, les non, ouais, ça marche pas. Un gang, genre un cartel. Ouais, ouais, bien sûr, bah, évidemment. Twitch, mon Twitch. Mais c'est le moment de partager les recommandations culturelles. Je peux commencer. Ah, mais je t'en supplie, Adrien, chope cette torche. Un petit jeu. Moi, j'ai non, c'est pas un jeu pour une fois. C'est un documentaire que j'ai vu sur Netflix qui s'appelle The Greatest Night in Pop. Oh, souviens-toi, on en avait parlé. On se disait, ah, est-ce que ça va être bien? Et on doutait. On se disait, est-ce que c'est comme Mélanie dans le clip de Comme Mélanie. Avec mes mains sur son visage. Mais elle doute. Ah, c'est sur We Are the World. Ah, c'est ça. Mélanie c'est doutait, c'est quand elle veut être pisse. Quand elle veut être un peu speed, c'est Mélanie doux café. Oh, allez, moi. Tu peux continuer. Attends, je finis de rire, excuse-moi. Je reprends mon souffle. Voilà. C'était du test pour son passage au cartel. Ouais, ça manquait d'une onatopée, j'ai senti. Et donc, c'est un documentaire sur la conception et l'enregistrement de la chanson We Are the World, qui est la chanson caritative la plus iconique de l'histoire du monde, je pense. Plus que la reprise d'Imagine par des youtubeurs. Je pense un poil plus, je pense. Bon, moi, déjà, j'ai une relation. J'aime beaucoup la chanson We Are the World, je la connais par cœur. Ah. Je connais. Alors, je pense pouvoir dire à peu près qui chante à chaque fois et tout en l'écoutant. Oh, ah oui, d'accord. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu une fixette sur cette chanson. Quel est ton passage préféré? C'est dur, oui, hein, c'est dur parce que. C'est ce que j'allais dire. Non, mais l'artiste. C'est très fort de les différencier parce que pour moi, c'est We Are the World en boucle pendant 4 minutes. C'est dur. Il y a Cyndi Lauper qui. Cyndi Lauper, elle donne. Hein. Voilà. Et bon, voilà. Mis à part un autre documentaire sur cette personne. Le moment où Michael Jackson il dit When you're down and out and you see no hope at all. Bon bah et la puissance, pardon. Et là après je ne cautionne pas. Ce n'est pas une IA. C'est pas une IA. C'est non, IA qui imite Michael Jackson. Non non, je le dis parce que il y a une puissance mais voilà bon. Non et en gros je l'ai trouvé hyper touchant en fait ce documentaire parce que un truc que moi j'aime beaucoup c'est quand les trucs qui désacralisent un peu les stars ou même la pratique d'un art et tout, où on se dit ah oui, les stars ils sont tellement au top qu'ils doutent plus, ils ont pas peur de ceci, cela. Et là, bon, il faut se dire, en gros, pour mettre le contexte, parce qu'il y a des gens qui connaissent peut-être pas We Are the World, ils ont voulu faire une chanson caritative et ils ont dit on prend les plus grosses stars du moment de la musique. Mais donc il y a Michael Jackson, Lionel Richie qui ont écrit la chanson, mais ils ont pris Cyndi Lauper, ils ont pris Bob Dylan, Bruce Springsteen, enfin vraiment les plus les grosses stars, mais vraiment. La crème de la crème. Je pète mon crâne, oui, bah j'ai sûr. Envie de dire. Voilà. C'est et l'équivalent en gros... de Michel Larocque et Mimi Mathy là-bas. Voilà. Non, mais c'est vrai, pour voilà. Vous donner une ordre d'idée. Et de Charlie Dino. Et non, et en fait, il y a un truc qui est. Bah, par exemple, en gros, il y a Huey Lewis. Ouais. Donc, si ça vous dit rien. Il était sans les news à ce moment-là. Il était tout seul. Sans, il était toujours. Voilà, non, mais ok, sans cool. Non, de Huey Lewis. Donc, c'est The Power of Love, la chanson de Retour à la Future. Bien sûr. Entre autres. Entre autres. Ce qui est Back in Time aussi, qui est aussi Huey Lewis. Bah, le mec, il chante toutes les chansons de Retour à la Future. Incroyable. Non, non, mais en fait, on le connaît sans le connaître un peu, Huey Lewis. Ouais. C'est pour ça que je mets le contexte. Non, et en fait, donc, grosse resta à l'époque. Et. Bah, je veux pas trop spoiler, mais en gros, il y a un côté où tu le vois vraiment chier dans son ben, ouais. De dire attends, mais je passe après Michael Jackson, moi. Et vraiment, il chie dans son ben. Ouais. Et à un moment, il y a un peu, c'est Quincy Jones qui orchestre le truc bien et sûr. Tout. Et à un moment, ils lui disent bah tiens, Yui, peut-être là, serait cool si tous les trois vous chantez, puis toi, tu fais une harmonie. Et lui, il est genre ouais, bah putain, fallait que je... parce que tu vois, ils interviewent les gens maintenant, ouais. Qui se rappellent du truc. Il dit putain, il me demande de faire une harmonie comme ça sur le moment et tout. J'étais en train de me chier dessus et tout. Et en fait, je trouve qu'il y a plein de gens, il y a pas que lui, mais qui sont hyper touchants dans le côté. Ouais. Ils étaient terrifiés en fait de chanter avec toutes les stars. Ouais. Et j'ai trouvé ça hyper. C'est bien rythmé. Moi, j'avais peur du côté 1h40. Tu te fais pas trop chier? Non, ça va. Cool. En fait, le début est un peu chiant en vrai. D'accord. Sur l'écriture de la chanson, parce que. Ouais. C'est juste Lionel Richie qui dit alors là j'ai écrit les paroles. Oui, en plus et tout vu que c'est le producteur Lionel Richie qui produit le docu, c'est genre oui bon t'es donc super. On le voit un peu trop, ouais. Si je peux me permettre, ouais. Mais en fait toute la partie sur la nuit où parce que c'est une nuit en fait, ouais. il y avait une remise de prix et du coup ils en ont où tout le monde était présent, ils en ont profité pour dire bah venez dans le studio pour enregistrer le truc. Donc ils ont enregistré pendant une nuit et c'est cool de savoir comment ça s'est passé. Et en plus je trouve qu'il y a un côté hyper touchant de voir vraiment des stars se chier dessus, mm-hmm. et en fait ça, il y a un côté un peu rassurant de se dire en fait oui t'auras peur toute ta vie et enfin pour autant qu'il faut pas faire les trucs et tout et c'est assez mignon quoi, toutes ces stars qui même même Cyndi Lauper, même tous ces gens-là, ils étaient un peu en stress, quoi. Ouais. Et c'est marrant à voir, quoi. Donc. Et est-ce que Bruce Springsteen est trop bien? Parce que moi, j'adore Bruce Springsteen. Écoute, je le trouve toujours cool. Bah, toujours gentil, tu vas l'adorer, parce que je crois qu'il avait un concert, le dernier concert de sa tournée, le soir même, et il a pris l'avion pour venir enregistrer. Et il a dit ouais, j'avais un peu peur de pas avoir ma voix et tout machin. Et il a. Oh, j'adore Bruce Springsteen. Bah, c'est le boss pour moi. C'est le boss. C'est le boss. C'est moi qui ai inventé ce terme d'ailleurs. C'est vrai. C'est moi qui ai dit que bien c'est joué. Le boss. Ouais, t'as vu, ça a bien pris. Ça et BOSS, le collectif, c'est toi qui as trouvé. Donc bien fait. Et il parle de Bob Dylan qui fait la gueule ou pas du tout? Non, il faut. Ah bah, c'est hilarant. Le passage sur Bob Dylan. J'ai trop envie de le regarder. C'est bon. Bah, ça aussi, c'est assez touchant. Ouais. Ah, je fais une petite parenthèse. Ouais, non, mais c'est juste que goutte, Bob Dylan, hein. On connaît tous, parce que il y a quand même des gens. Il y a Michael Jackson, il y a Cyndi Lauper, il y a Huey Lewis, donc des gens avec des voix ultra puissantes. Il y a Bruce Springsteen, et à côté de ça, il y a Bob Dylan, qui n'est pas un gars. Voilà, c'est un peu le Renault américain. C'est ça, mais en vrai. Ça, ouais. Et du coup, lui, il dit juste, je me demandais ce que je foutais là, en fait, quoi. Genre, lui, il est genre, putain, mais tout le monde chante ultra bien. Moi, je suis une merde à côté d'eux. Et donc, c'est ça aussi. Et du coup, il y a aussi un côté, genre, l'art, c'est pas de la performance uniquement. Oui, non, c'est-à-dire que t'as Bob Dylan, qui est une des plus grosses rostas présentes, mais il chante pas de ouf. Excusez-moi, il n'y a pas de guitare sèche. Il n'y a pas d'harmonica. Mais en fait, tu peux être brillant dans ton art sans être un performeur de fou. Mm. Et en fait, bah, l'art, ça te montre aussi que c'est autre chose aussi, c'est ce que t'apportes humainement, donc c'est ça aussi, je trouve ça hyper touchant dans le documentaire. Donc, c'est sur Netflix. C'est super. Voilà, et ben ça y est, j'hésitais. Tu m'as motivé. Regarde-le. Tu l'as très bien vendu. Ah ouais, bravo. J'ai faim. Par contre, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. D'un coup, on a bientôt terminé. J'ai une dalle. Marie. Ouais. J'en ai deux. Vas-y. J'en ai une. C'est une petite passe dé. Je pense que j'ai fait la même reco la dernière fois que j'étais dans le podcast. Mais mon frère François De Brouwer a son spectacle La Rencontre avec une illuminée sur Culture Box. Et c'est un spectacle du coup qui ne jouera plus jamais. Ouais. Et donc c'est une captation. La capta est genre incroyable. Et franchement. Oubliez que c'est mon frère. Non, il est super ton frère. Il est venu au cartel, il est super mon frère. Trop hein. Sympa. On t'adore François. Et donc oubliez que c'est mon frère. Donc ça, ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait des vannes sur les chérubins et tout, mais ça raconte l'histoire d'un gars qui est pas vraiment dans la spiritualité, dans la croyance, et qui va rencontrer une meuf qui elle a toutes les croyances du monde. Et c'est très drôle. Il joue tous les personnages. Il a écrit et voilà, il joue tous les persos. La capta est vraiment incroyable. Et c'est rare de voir du théâtre. Slash seul en scène où c'est un gars qui joue tous les personnages mais en sur ta télé, tu vois, genre dans le théâtre ça se voit bah au théâtre donc voilà, il est sur Culture Box pendant une petite année je crois. Et la deuxième reco, c'est un truc à manger. Okay. Je suis devenue obsesse. De l'amande douce, s'il vous plaît. Non, c'est des pop-corn au caramel de Western Original. Ok. Ah ouais. Meets Bretzel. Oula. Donc, ça m'intéresse, mais il y a du lait dedans. Je pense que c'est pas vegan, ouais. Donc, Westeros Original, comment on dit? Ah oui, il y a du lait dans le caramel. Vous voyez les petits caramels de vieux? Bien sûr, j'adore, ouais, j'adore. Ouais, ouais. Et donc, ils font du popcorn. J'ai pris la photo tout à l'heure, quoi. Attends, popcorn, bretzel. Non, mais là, c'est. Non. Attends, il y a des bretzels dedans. And bretzel, oui. Et en fait, moi, le bretzel, j'en ai rien à foutre. déjà, je... C'est vrai que attention, c'est nul. Non. Désolé l'Alsace. Mais non, mais c'est vous, un peu vous, nul. Non, mais vous voyez les bretzels de merde. Oui, c'est quoi, dans, c'est la boîte verte, là. Dans la boîte oui, verte. Mais là. Le bretzel, la culture du bretzel, c'est quand même beaucoup plus. Non, mais. Je vous laisserai pas dire ça. C'est un bretzel aux oignons. Et Lisa, malheureusement, autre point commun, je ne suis pas dingue de bretzel. Parce que vous connaissez pas les bons bretzels. C'est très possible. Je te parle vraiment du petit bretzel que t'as dans les trucs d'apéro. Mais sauf qu'ils sont mélangé avec du popcorn et le caramel du caramel machin, et genre c'est un délice. Je suis devenue folle et j'ai tu peux trouver ça chez Normal par exemple, ce genre de magasin chez Normal. Je comprends pas cette boutique. Ah, c'est... je ne comprends rien. Non, mais je suis d'accord, mais le en logo vrai, m'angoisse, le slogan est incompréhensible. Oui, c'est un mec avec un grand nez, on c'est la... un dessin d'enfant, tout simplement. Mais ça s'appelle, Normal. Alors tu dis, ah bah vous vendez quoi? Tout. Adrien, tout, faut que tu y ailles parce que toi qui es un TikTok boy, pas du tout une référence à la chanson TikTok Girl. Merci. Non, mais par exemple, les Scrubby Daddy, là, les éponges en forme de smiley. Oui, mais ils vendent The Pink Stuff là de toutes les vidéos de nettoyage. Ah oui, mais il y a ça chez Action aussi. Voilà, et ben Normal, c'est un peu comme Action, ça se ressemble. Ah c'est, bon ils sont mais ça se la joue, ça se la joue. Mais ça se la joue, et bref, ils vendent ces Westeros Original Popcorn Caramel Sea Salt Pretzel, et genre, c'est. C'est bon. Je pense qu'il n'y a pas de normal là où j'habite, je pense. T'en ramènes dimanche. De quoi? Je vais passer devant un normal aujourd'hui. Non, mais je peux pas en manger de ça. Ah bon, il y a du lait? J'ai pas regardé la merde, mais dans caramel. Dans caramel, il y a des chances. Alors que tu peux totalement. Bon, bref. Délicieux, en tout cas, ça a l'air délicieux. C'est très bon. J'en mangerai quand même. Moi, j'ai découvert là, quand on était à l'Alpe d'Huez, le Kit Kat. Fondu. Le Kit Kat Balls de Milka, parce que Milka était partenaire, donc il y avait du chocolat. Ouais, le Kit Kat Balls de Milka, enfin, ou le Malteser de Milka. T'es en gros une boule au chocolat avec un peu du croquant dedans. Y a pas une collab Kit Kat non, Milka non. J'étais en folie. Ouais. Dans quel monde? C'est pas We Are The World. Non, mais leur version à eux, disons. Et putain, très bon aussi hein, ça. Alors une cata, parce que quand tu tombes dedans, c'est le paquet en 10 secondes et t'en Milka, en un autre. Le CM de Milka là. Non, on oublie. On récupère pas cet extrait là. La Milkata. Voilà. Ouais. Oh wow. Oui. Si. Vous exploitez des vaches. Non, et donc du coup, vous les avez pas en violet pour la pub. Non, mais donc voilà, ça c'était quand même un peu et bon. Et des marmottes. Je crois que c'était de la post-prod. La marmotte aussi, tu penses? Qui met le chocolat? Je pense. Okay. Elle a fait carrière la marmotte. Je l'ai vu dans 2-3 trucs. Je suis aussi dans le VFX. Juste... À moitié, ouais, voilà, c'est ça. J'ai une anecdote, pardon, ça, c'est juste le mot vache et j'ai un truc qui m'est revenu. Mais c'est un fun fact. Anecdote vache. Qui me fait rire, oui. Vas-y. En gros, quand la vache qui rit a commencé à cartonner, mais il y a bien longtemps. Pardon, peut-être ça fait rire que moi, mais il y a des gens qui ont dit attendez, on va les concurrencer, et ils ont sorti un fromage qui s'appelait la vache sérieuse. Je me fais mourir de rire, c'est tellement nul. Nous, elle est sérieuse. En fait, c'était la vache Grosjean qui avait fait ce truc-là, et ouais, je m'en souviens très et bien. Et le CM de vache qui rit. Non, mais vraiment, elle est extrêmement sérieuse. Belle boîte, belle boîte. La boîte est jolie, boîte est et belle. Sur le dessin, putain, vraiment, mais désolé, mais ce serait pas le nom de mon spectacle. Non, parce que toi tu ris énormément. Oh, justement, on rigole, on se fend la poire. Non, mais c'est rapport. Mais c'est vrai que. Surpoids. C'est vrai que. Oui. Les gens l'ont pas en audio. Mais... non, mais. Mais c'est vrai que sur la boîte, attention. Alors, là, en fait, tu te dis. Il lui manque des lunettes. Elle a pas envie de rigoler. Il lui manque des petites lunettes. Des petites lunettes ou un monocle. Mais en fait, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a un côté genre. La vache qui rit. Tu dis, ah oh, putain, c'est pas banal une vache qui rit. Mais après, ils disent, attendez, nous, ça va être la vache sérieuse. Oui, bah une vache quoi. Enfin, oui. Une vache, c'est sérieux quoi. J'ai une vache concentrée. J'ai déjà vu des vaches déconner quand même. Ouais. Ouais. Bah, oh la vache ouais, folle. C'est vrai. Ouais, elle était peut-être pas très sérieuse. Lisa Villaret, qu'est-ce que tu as envie de nous partager avec moi? Moi, en ce moment, je suis dans un bingo. Je suis tombée amoureuse de Rachel Sennott. Alors, c'est pour toutes mes bisexuelles sûres qui écoutent le Floodcast. C'est Rachel Sennott, je l'ai découvert dans, j'espère, dans Bodies, dans Bottoms et dans dernièrement j'ai vu Shiva Baby qui était super. Et en fait elles ont une bande de copines avec elles sont toutes de 1995, ce qui me donne un petit coup, mais je les trouve. Il y a Nekfeu du coup, j'imagine. Dans la de la génération, exactement. Alors. Et non, et je les trouve trop cool. En fait, c'est une bande de trois nanas, Emma Seligman, Rachel Sennott et Ayo Edebiri qui jouent dans The Bear. Et en fait, elles ont commencé en faisant du stand-up, elles ont bossé à Comédie Centrale, et en fait, maintenant, elles font des films. D'accord. Et c'est très. Bodies, c'est un film d'horreur. C'est super. Bottom, c'est très comédie, et Shiva, c'est comédie dramatique. Okay. Et c'est trop bien, il y a toujours en fond, en thème, un peu la bisexualité. Donc moi, j'aurais adoré voir ça à dos, je trouve ça trop cool, et j'ai trop envie de voir ce qu'elles vont continuer à faire. Je pense qu'en mars, il y a un truc qui sort qui s'appelle I Used to Be Funny, un truc comme ça. Ouais. Et là, c'est en festival ou quoi, mais j'attends que ça sorte, je mais suis trop contente. Bodies, il y avait que Rachel Sennott. Les que Rachel Sennott. Mais en fait, je suis tombée dans un bingo Rachel Sennott parce que je la trouve cool, etc. Et en fait, j'ai découvert toute cette petite bande et je suis en train de. Mais Bottoms, moi, c'est un de mes films préférés de l'année dernière. J'ai trouvé ça exceptionnel. C'est un peu un super bad, mais effectivement, avec des meufs bi, lesbiennes, enfin, tu vois, sur une autre. Sans le truc hétéronormé que tu vois dans tous les films. Ouais. Okay. Et pourtant, c'est pas le sujet principal. Pas en du plus, tout, tu vois, pas c'est du juste tout. Non, mais elles ont un truc. Elles ont un truc un peu de. Elles veulent faire un espèce de Fight Club pour draguer des meufs aussi, d'une certaine manière, etc. Okay. Mais c'est vraiment drôle. C'est vraiment. Oui, voilà, c'est pas. C'est d'abord une comédie, quoi. C'est d'abord un film très drôle. Et Bodies, moi j'avais adoré aussi. Je viens de voir sur Allociné qu'il est très mal noté par les gens. C'est des fous. Bodies. Ouais, il a 2,2 alors que franchement c'est vrai sur 5. Qu'est-ce que alors c'était que j'ai bien. Trouvé ça vraiment bien. Je me suis fait avoir par les twists, les trucs. Oui. Et j'ai trouvé ça très très drôle. Et ça, et bah, vous voyez, ça rejoint un peu ce qu'on fait depuis le début. Ça se moque un peu de certaines façons de penser woke, mais justement un peu en surface, disons. Pour l'image, ouais. Mais c'est jamais fait comme des gros réac ringards atroces, quoi. C'est fait avec intelligence, c'est fait avec humour, se moque des gens qui font du podcast, enfin tu vois, des choses comme ça. Il y a une très bonne scène où une nana parle un peu de ses problèmes graves et l'autre elle dit je te comprends, moi je fais de la dysmorphophobie, un truc comme ça, et c'est vraiment du foutage de gueule de tout ça. Ouais. Et je trouve ça hyper moderne. Mais vu que c'est fait par aussi des gens concernés, c'est drôle. Enfin, voilà, comme c'est la scène des Kardashians là, quand Kim elle a perdu, c'est y a Diamond Earrings. People are dying, Kim. Je me suis grave reconnue en Kim. Mais toi, c'est laquelle des Kardashians de toute façon? Je vais le dire, Chloé. Je suis courte, mais avant qu'elle maigrisse. Je vais le dire. Bon, écoutez, merci beaucoup. Il n'y avait pas un deuxième. Non, non. Je croyais qu'il y avait un deuxième truc, pardon. Oh, non, venez au cartel, si, l'open mic du 17 février. Okay. Ça sort lundi. C'est à la fin, ça sort lundi. Ah, pardon, mais c'est bien, mais cela dit, voilà. C'est déstructuré. On te retrouve où? Mes actus. Bah, bien sûr. Ah, mes actus. Alors, le dimanche, il y a la bonne auberge. On va avoir. Tous les dimanches, un dimanche sur deux. Tout à fait. Mais on va avoir des invités assez exceptionnels le prochain live, là, dimanche, mais donc ça sortira. Ça sera sorti. Donc, c'était Sébastien Vanitschek. Et Sophia Lassar, bien sûr, du film Vermine. Voilà. Exactement. Toujours un peu en c'était sol, ça hier. C'était hier. C'était hier. Voilà. Ils sont très forts à Mario Kart. Voilà. Ah, comme ils les auraient battus. Ils sont fous à Mario Kart. Oui. C'est-à-dire que moi, je ne joue pas à Mario Kart avec eux parce que c'est désagréable. Oui. Parce qu'ils hurlent, parce qu'ils s'insultent dans une ambiance où tout le monde est d'accord. Hein. Il n'y a pas de. Mais quand tu es moi dans ce délire là, moi j'ai tendance les jeux c'est plus pour s'amuser. Ouais, voilà. C'est ma vision des jeux. Moi quand Jérôme Niel lance une manette, oui bah c'est moi, je m'amuse moins. Donc non, tout mais ce qui peut me rappeler un repas avec mes parents, ça m'amuse moins tout de suite. Malheureusement. Mais ils sont très forts à Mario Kart et donc oui, ils ont fait la bonne auberge avec vous. Ouais. Cartel Comedy Club. Cartel Comedy Club, le plateau, là j'ai le prochain plateau du coup, l'open mic le samedi 17 février. Voilà, d'accord. Si vous voulez venir voir des novices et des confirmés qui testent des blagues, venez voir aussi Marie qui passe souvent. Oui, elle est très très drôle et c'est pas parce que je t'adore, mais tu es très drôle. Merci, oh, c'est attention, cette passe non, non. Des hop là, Marie, on te retrouve sur les scènes ouvertes de Paname. Exactement, dans tous les Comedy Club. Ouais. Je fais des blagues de plus en plus. C'est cool. Et sinon, parce que c'était fais... pas trop le cas quand t'étais venu nous voir la dernière pas fois. Du c'est tout, assez, c'est pas tout du à tout. Fait nouveau. Ah ouais, t'as fait la première partie de Rosa Bernstein à la SIG, cette bonne vieille SIG, devant 850 personnes. Ouais. Donc rien en fait. non, c'était vraiment top 3 des meilleurs moments de ma vie. Ah, génial. C'est quoi les deux autres? Je remercie. bah, il y a ce floodcast déjà, je crois. Ouais, déjà. Bah, le premier floodcast et le deuxième. Ah, merci oui. Marie. Et j'essaie, bah du coup tu matrix ma j'ai envie de trouver les meilleurs moments de ma vie. Et ouais, donc c'est ça, stand up life depuis stand-up en plus life. Que la nonote ouais, bien sûr, encore un non spectacle, c'est fou. Ah. On n'en arrête pas, stand up life. Je fais quoi d'autre? Je fais des vidéos sur Insta, j'ai mon podcast Chatcheuse, j'ai le c'est podcast ça. Avec Maxime Touriste, mais on a tout dit au début quoi. Non, bien mais sûr. Mais c'est bien de rappeler les gens. Touriste, tu sais. Touriste, et vous recevez des invités pour parler de leur voyage. Exactement. Voilà, donc ça parle un peu de voyage dans le monde, etc. Tchatcheuse, c'est des interviews. Je l'ai bien présenté. C'est ça. Il y a des épisodes où je parle toute seule aussi. Je blablate, je blablate, je tchatche. Vraiment, c'est le podcast de Marie de Brouwer. Oui, mais tu sais, moi, c'est beaucoup la blague que font les gens. Et je comprends, hein, de ah oui, tout le monde a son podcast. Ou son... Mais moi, je trouve ça cool. C'est à toi de choisir d'écouter ou pas. C'est comme les gens qui disent oh là, il y a trop de youtubeurs. Je fais bah non, c'est. Après, oui, mais après, il y a toujours des trends dans les thèmes de moquerie. Là, c'est les podcasts. Oui, voilà, c'est ça. Et aussi, il y a ton documentaire qui était sur France Télé, qui est toujours sur la plateforme. Non, il y est pas. Il y en a deux. Camille cherche l'amour, il y est toujours. C'est et ça. C'est la vie de Marie. Et la grosse vie de Marie. La grosse vie de Marie, je l'ai pas trouvé. Et bah, en deux parties plus. Sur YouTube. Mais il franchement, YouTube. Je voulais te stalker. Ouais. Tu peux le théma, mais c'est pas mon plus gros chef-d'œuvre. Hein. C'est le premier docu que j'ai écrit. C'est mignon, quoi. Ouais. Si tu connais un peu la grosse vie. Mais moi, j'ai vu Camille cherche l'amour, ça, j'ai trouvé ça super. Merci. Ça, c'est sur France.tv. C'est vraiment bien. Pour résumer vite fait, c'est une jeune fille atteinte de trisomie 21. C'est ça. Et qui veut trouver l'amour, quoi, tout simplement. Le titre est assez clair. Et donc, on la suit. Et je trouve ça super charmant. Et en même temps, ça aborde des sujets sans se cacher, quoi. Et en même temps, c'est mignon et drôle, et voilà, c'est vachement bien. Merci. Donc, ça fait Camille plaisir. Cherche l'amour, n'hésitez pas à mater ça sur France. C'est une série TV. Documentaire ou c'est un épisode. Épisode. Okay. Un épisode, pardon. Ou alors ils l'ont découpé, mais normalement, c'est que okay. C'est un doc de 26 minutes. Ouais. Non, 40. Putain, je fais quoi ou quoi. J'ai co-réalisé un autre docu d'ailleurs l'année dernière qui s'appelle Vous devrez rester vigilante, un tout autre style, puisque c'est sur les droits reproductifs et sexuels en Europe. Donc, c'est pas le même sujet, c'est pas la même good vibes, mais si vous voulez lutter activement contre le patriarcat et de vous dire qu'il faut que tout le monde se serre les coudes pour que l'IVG soit pas en danger. Sachant mais le patriarcat, moi, mais c'est sorti, je l'ai pas trouvé. Il est sorti ? Ouais, il est sorti, il est sur la chaîne YouTube de Esther Reporter. C'est pas sur une chaîne. C'est pour ça que je l'ai pas trouvé. Derrière l'humour, le sérieux, tout cette femme. C'est ça, mais en ce moment, je suis vraiment humour, donc n'hésitez pas. Plutôt les blagues, ouais, plutôt les blagues. Regardez mes rires, les faire. Adriman, donc ouais, bonne auberge. La bonne auberge, ouais, un dimanche sur deux en live et puis sur YouTube, les replays qui sont découpés en des petits épisodes plus digestes parce que quand même, les lives de 4 heures quand même. Et Nous les Leroy qui sort au cinéma le 10 avril. Nous les Leroy, on part en tournée et j'ai l'impression d'oublier un truc. Je vais être dans Tchatcheuse bientôt là. Oh, trop bien. Eh, pas mal. Quand, tu sais plus. Si, c'est la semaine pro. Mais du coup, je sais pas par rapport à vous. Bah, du coup, cette semaine. Parfait. Mais vous l'avez enregistré cette semaine. Ouais, ça y est, c'est enregistré. Bah, c'est dans la boîte. Et donc, je refais quand même un petit laïus sur les Leroy qui sort le 10 avril. La bonne annonce devrait arriver dans pas longtemps. Voilà. Et la tournée, je rappelle vite fait quand même les villes. Donc, on est à Autun et Dijon avec Adrien Miel le 26 février, avec Simon Astier aussi d'ailleurs, à Autun et Dijon le 26. Le 4 mars à Rennes et Nantes avec Le Potier. Le 7 mars à Lille avec Le Caplin. Le 15 mars à Lyon avec Jérôme Miel. Et le 19 mars à Bordeaux avec Benjamin Tranier. Sur certaines dates de la tournée. On va faire des floodcasts, donc ce sera le cas à après Lille, la projo, c'est ça sur scène. Ouais, après la projo, sur scène, sur la scène du ciné. Ce sera le cas à Lyon, ce sera le cas à Bordeaux et ce sera le cas à Lille. Et comme je le disais la dernière fois, si les salles remplissent bien, on fera aussi d'autres dates partout en France. On a hâte de vous partager tout ça. Merci beaucoup, les amis. Merci, merci. Salut, ciao, bisous, bye. Il s'agissait du floodcast. Pardon.